C'est à toute la France, monsieur. Ah, en tout cas, ça fait plaisir, il est mardi, nous sommes en direct, et ça, c'est bon. C'est un petit peu mon Fight Club à moi, là, cette émission. C'est pour ça que je me fais beau. Dès qu'il y a des mouches qui tournent autour un peu, je me dis, ah, on est lundi, pas loin de mardi, toi. Je me dis, tu vois, on est pas mal. Bref, toute la bande est là, ou presque. Il y a Maxou qui n'a pas pu venir ce soir, car il a... Je pense qu'il fait semblant. Faut pas le dire. Tiens, tout de suite, avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on lise vos messages. Twitter, Facebook, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Moi, je lis tout en direct. Et justement, ce soir, on voulait tenter un truc. On a lancé le stream. Enfin, on n'a pas lancé de stream, mais il y a le chat qui est ouvert sur la page Twitch de La Voix du Geek, twitch.tv, La Voix du Geek, La Voix avec un E, et comme ça vous pouvez laisser des messages. Et il y a déjà Moumout qui est là. Moumout qui nous dit j'y suis. Salut, mais... mon Moum. Mille au téléphone, voilà. comme d'hab, il passe sa vie au téléphone. Ouais, mais il travaille dans le téléphone, non? À l'intérieur, c'est ça. Ouais, voilà, il est dedans. Démontez vos téléphones chez vous, vous verrez, il y a Moumout. C'est ça, mais en fait, il a une oreille, elle va finir par sécher et tomber. En fait, il a le cerveau, c'est de la compote de pommes. Bon, bref, on l'embrasse, n'hésitez pas à faire comme lui, à nous laisser des messages. Et puis tiens, on va commencer par là, il y a Dandy. Comment ça va, mon poulet? Eh ben, ça va pas mal, parce que c'est les vacances, donc ça y est. Là, je peux enfin remettre les mains sur un pad, sur un clavier, une souris, et ça me fait du bien. Yes. Ça me fait du bien de pouvoir jouer, et ouais, enfin. Et c'est bien mérité. Et en fait, vu qu'il bosse tellement, il accumule tellement d'heures, que là, il est en vacances de la Toussaint de 2014. Ah oui, tranquille. Bon, t'as joué à quoi? Eh ben écoute, j'ai joué comme d'habitude à Metal Gear, le Phantom Pain. T'arrives pas au bout dessus. Ah bah il est très long et puis assez corsé quand même. Et depuis hier, avec justement mon frangin, qu'on va présenter dans un instant. Alors, je l'ai laissé jouer à Assassin's Creed parce que je ne voulais pas y jouer, je ne voulais pas toucher à ça. Oula. J'avais peur d'attraper une maladie. Donc voilà, on en discutera tout à l'heure, mais ouais. Je l'ai regardé, mais j'y ai pas joué. D'accord. De toute façon, on en parlera plus longuement tout à l'heure. Bélé, là, tiens, passe-lui le micro. Alors, on en a déjà parlé dans l'émission, c'est Dédé la banquette. Voilà, bonsoir. Alors, juste une seconde. D'où ça vient ce pseudo, Dédé la banquette? Ah, ben ça vient des collègues de travail, parce que, c'est tout con, hein, je fais une patrouille et puis. Il est gendarme. Voilà, exactement. Et bon, quelques soirs, quand on fait 6 heures de patrouille, forcément le temps est long, donc quand il se passe rien, on s'endort un petit peu sur la banquette. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, c'est un adepte de dormir dans les derrières de bagnole. Souvent, d'accord. Tu vois, les sorties en famille le dimanche. Je suis flippé. Toi, t'appelles ça le derrière de la bagnole, toi. Mais c'est souvent comme ça, le dimanche, quand il y a une petite sortie, il y en a un qui roupillait à l'arrière, mais c'était le petit frère. Voilà. Yes, et je veux pas balancer Goustique. Mais. De quoi? Mais tout à l'heure, sur le trajet, il me fait, à mon avis, là, la Vita, il branle rien dans le camion. Ça dépend, je sais pas s'il y a de la place à côté du pack de bière. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai dit, toi, j'assume entièrement. Désolé, on charrie un peu. C'est, voilà. Non, mais ça y a pas de tu problème. Vas prendre pour tous les autres, désolé. Tu vas prendre pour ton grade. Joli. Attends, on applaudit. On se reverra sur le terrain, y a pas de souci. Bravo. Ouais, c'est clair, et puis un jour, je vais me faire serrer, tu vois. Tu te rappelleras de moi? Ah, je sais pas, j'aurais dormi depuis, je pense. Yes, et puis tiens, Yagoustique qui est là. Comment ça va, mon poulet? Bonsoir tout le monde. Eh ben écoute, ça va. J'ai eu un week-end assez euphorique. Oui. À faire du Guitar Hero Live avec Dandy. Ah oui, puis, c'est vrai. Ah oui, bah t'as oublié ça. Ah bah non, mais moi je suis en vacances. Ça y est, en vacances, il a pas. Ah oui, c'est vrai. Ah moi je travaille où déjà maintenant, là. Tu travailles à un magasin, pas, dans non, un magasin non, de non, culture, non? Sans emploi, à la recherche. Ah, comme toi. Comme moi, pardon. Et du coup, ouais, assez festif. J'ai eu deux anniversaires, Halloween. Donc voilà. Mes orteils ont bien morflé. Goustique, il est parti de la maison, mais en costard, mon gars. J'étais en Blues Brothers. Il manquait que le cercueil, quoi. Ouais, c'est vrai, c'était mon petit côté croque-mort. Et puis, j'ai maté un film, un très bon film. Alors, ça fait un bail qu'il est sorti. C'est d'ailleurs, je crois qu'au goût, je vais te le prêter, l'Infernal aussi. C'est Heure. Avec Joaquin Phoenix. Et franchement, Heure. De Spike Jones. H.E.R. H.E.R. Avec un mec avec des yeux bleus, avec une moustache sur la jaquette, sur un fond rouge. Tu confonds avec Papy Brossard. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Non, franchement. Mais le mec ressemble étrangement à mon oncle et ça m'a fait flipper sur le coup. Je me suis dit merde, mon oncle est acteur de film, quoi. Joaquin Phoenix, on t'embrasse, hein. Carrément, parce qu'il nous écoute en plus. Hein. Ouais. Bisous, Kékette. Et puis voilà, et puis là j'ai acheté des comics là récemment. Donc encore. Je suis allé chez Pulps. D'ailleurs, je les embrasse parce que ils ont écouté l'émission Back to the Future avec l'interview d'Elsa Chartier et ils ont kiffé. Voilà. Yeah, donc je leur fais des gros bisous, Kékette. Carrément. Ben on les embrasse. Et puis il est là. Il est beau. Il a bon le show. Il y a la notification Facebook. Carrément, on va falloir que je coupe le son. Il est là, il est beau. Il sent bon le sable chaud. Kogu est là, mesdames, messieurs. Bonsoir. Comment ça va, mon bichon ? Ça va bien, ça va. Je suis content d'être encore en vie. Eh ben écoute, il faut s'en satisfaire. Oui, c'est vrai. Ça va peut-être pas durer, va savoir, mais on sait pas. D'ici la fin de l'émission, va se passer quelque chose. Oh mon Dieu. Bon, ça va, t'as joué à quoi toi du coup? Alors, j'ai joué à ce que Dandy voulait pas toucher. Je suis sûr. On parle pas de Mon Zizi. Pas avec oui, ça, voilà. Voilà. Non, on parlait pas de ça. Mais sinon, donc, il y en a fait de l'Assassin's Creed. Moi aussi, j'ai vu un film. Ah, sérieux? Ouais, il était super bien. Bob l'éponge, ah ouais, le film. Non, je suis allé au cinéma. Ouais, ça faisait super sérieux longtemps. Ah, bah oui, j'en ai profité. J'ai refourgué la petite et avec madame, on est parti se faire un petit ciné. On a été voir Seul sur Mars. Oh le con! Faut que j'aille le voir. Alors? Ah, bah écoute. Moi, j'en ai un peu marre d'avoir à toujours sauver le même acteur, hein, parce que, enfin, c'est toujours lui qui se perd à droite, à gauche, machin truc. J'avoue, mais sinon, bon film. Cool. Bon film. Est-ce que c'est une bonne surprise? Bonne surprise, non, puisque moi, en fait, je m'attendais presque à une comédie, tellement j'avais vu des extraits un petit peu rigolos, un petit peu joke et tout dedans. T'as vu, ouais. Je parle anglais maintenant. Mais ouais, yes it is. Et en définitive, bon, il y en a un tout petit peu d'humour, c'est assez rigolo, mais en même temps, il est un peu bien obligé, ce bon monsieur, de faire un petit peu d'humour, parce qu'il est un petit peu tout seul, en effet, comme c'est dit dans le titre. Mais sinon, très bien. Ok, bah écoute, okay. Tu vois, je vais sûrement aller le voir ce week-end, moi. Eh ben écoute, vas-y, la fin est géniale quand il meurt. C'est cool. Ça. C'est nickel. Parce qu'à un moment, ils ont une galère, parce que la fusée, elle a plus de super. Elle décolle pas loin et poup, il se cogne la tête, ce con, et il meurt. Bon, merde, j'ai spoilé la fin, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais l'acheter en Blu-ray alors, du coup. Voilà. Non, mais vous pouvez aller le voir. Enfin, il est. En plus, il dure 2h20. Ça va. Donc, oh, ça va. Et moi, j'ai pas vu le temps passer, donc. C'est 2h20 avec un seul acteur. Avec un seul acteur. Ouais. Non, il y en a d'autres quand même. Oui. Non, c'est pas un huis clos. J'ai eu peur. Ouais, t'imagines. Il y a un gros cast. Et puis, vu que vous me le demandez, comme d'habitude, bah oui, c'est surtout qu'on s'en fout. Bah ouais. Bon bah voilà. Moi j'ai eu une bonne petite semaine aussi. J'ai joué à Darksider 2. Je suis encore dessus. On le fait en mode death, en mode patator. On en chie comme des salauds. On le fait en stream. Vous le voyez pas, mais là sur la tempe, il a les veines qui sautent encore du jeu. Quoi. C'est le genre de jeu, tu vois, tu tombes contre un boss. Quand tu poses la manette, t'as encore les doigts crochus, quoi. Toi, ah mais c'est ça, tu peux pas rouler ta clope pendant une heure à peu près derrière. C'est un truc de malade. Mais ça se fait, on embrasse Bibine, qui nous écoute sûrement. Qu'il a commencé aujourd'hui. Et ce matin. Eh ben, bon courage, mon con. Ça, et puis, on va en parler dans un instant, mais à Cultura Samedi, on a joué à Guitar Hero. Ouais. Juste avant de commencer les news, on va en parler un petit peu. Parce que moi, il y a des petits trucs qui me chiffonnent. Ah ouais, attention. Okay. Ah ouais, carrément. Et puis tiens, on fait une dédicace à John B. Ah oui, John B, oui. Qui est papa pour la deuxième fois, donc il peut pas nous écouter ce soir. Il est papa pour la deuxième fois, donc on l'embrasse. C'est un viewer, il suit les streams, il écoute l'émission. On lui fait un gros bisou. Mes condoléances, mon gars. C'est ça. Bon courage, mon pote. Bon courage. Et puis nous avons un invité ce soir, mesdames, messieurs. Mais qui donc? Il est là, il est beau, je l'ai vu arriver dans le noir, là-bas au loin, il est sorti des fougères. Il brillait. Attends, tu veux dire qu'on est deux beaux autour de la table ce soir? Eh ouais, ce soir ça va être la guéguerre. Oui, Simon va avoir un problème. C'est ça, il s'agit de Léo, de la zone du dehors. Salut. Ben salut à toi, bon ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Comme tu parlais de Seul sur Mars, bah moi je l'ai toujours pas vu, mais je l'ai lu. Ah. Parce qu'ils ont ressorti le poche. Donc ça y est, on a un intellectuel ici. Non, mais... Il fallait que ça arrive un jour. Je l'ai lu en VO, je suis un hipster. Non, non, je l'ai lu en poche parce que justement il est sorti en poche. Avec avant, c'est pas compliqué sur la largeur de ta poche pour regarder dedans. C'est assez éclairé, tu alors, vois bien. Si tu veux, je t'expliquerai comment bon ça marche tout à l'heure. Mais il faudra que tu enlèves ton t-shirt. Ah ouais. On y vient. Ouais, ça je sais pas. Ouais. Mais du coup, ouais, le livre m'a vraiment donné envie d'aller voir le film. Donc c'était prévu peut-être ce soir, mais je pense que ça va être un peu tendu avec l'émission. Ouais, ça va être donc chaud. On ira demain. Donc je vais partir plus tôt, yes. En fait. Bah j'y vais voilà. Maintenant d'ailleurs. Tiens, je me barre. Bon, bah, merde, cool. Bien, t'as la séance de 19h35. Et puis tu vas nous parler un petit peu de la zone du dehors. Donc c'est une librairie. Oui. Entre guillemets. C'est une librairie, donc je suis libraire, hein, donc c'est pour ça que je lis des livres. Bon, je vous rassure, je joue aussi aux jeux vidéo, mais ça me prend beaucoup de temps de lire, donc du coup je suis toujours sur Pillars of Eternity que j'ai commencé au Day One et que j'ai toujours pas terminé aujourd'hui, donc pour les jeux vidéo je fais ce que je peux, mais bah après, c'est pas évident bah ouais, c'est long en fait. Quoi, il fait ce qu'il peut lui aussi, sauf qu'il pareil. Joue bah ouais Donc, yes. Bah, du coup, la librairie, c'est une librairie qui a 5 mois. Mais on en parlera un petit peu. C'était juste histoire de te présenter. Okay. On a le temps, de toute façon, t'inquiète, l'émission dure 1h30. On a le time. Du coup, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine. À la demi, on s'écoute du son, on s'écoute Tame Impala avec Let It Happen. Mm. Vous allez voir, ce morceau, il va me retourner la tête, moi. C'est un truc de ouf. Après, on va parler avec notre ami Léo. À 20h, on s'écoute les Chemical Brothers, ça va envoyer le pâté. Et juste après 20h, restez bien avec nous, le test d'Assassin's Creed. Syndicate. Ouh, mon dieu. Je me suis trompé, j'ai écrit Libération. Heureusement que j'étais là. Hein. Parce que c'était une vraie libération en fait. En soi. Ouf. Voilà, comme ça c'est fait. C'est exactement ça quoi. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Et puis c'est, voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à laisser des messages. Yamoumout qui nous dit ça fait une demi-heure que j'écoute de radio et il y a un mec qui m'a appelé à moins 5, le bougre. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bref, n'hésitez pas comme lui à nous laisser des messages sur le Twitch, twitch.tv, la voix du geek, la voix avec un E, ou sur Twitter ou Facebook, on lit tout en direct. .tv/la voix du geek. Oui, slash. Parfait. C'est ça. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Go. Allez, c'est parti, parce qu'en plus vous avez été sage. Et puis juste avant, tiens, de commencer les news, on va parler un petit peu de Guitar Hero Live, parce qu'on a pu l'essayer. Moi je suis pas content. Et j'ai envie de taper du poing sur la table parce qu'il est pas content. Ah, il nous a fait un caca. Et on arrête la guillette. Ah ouais, non, mais il nous a fait du rage quit quand même. Ah ouais, non, mais carrément. Ah, je te jure. Si. Oh non, mais les gars, c'est pas possible. Oh, c'est bon, ça me casse les couilles, je m'en vais. Il y avait les clients à côté, tu vois, il y avait une estrade et tout. Enfin, on était vraiment en ambiance rockstar, tu vois, genre Stade de France, Johnny Hallyday. Et puis il arrive et toi avec sa perruque, genre il fait non mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout machin, non mais attends l'autre, attends, retourne dans ma caravane. Attends, il avait dans les mains, il l'a reposé de suite en fait le jeu parce que le mec a tout pété. Attends, il était prêt à casser la guitare en mode Kurt Cobain quoi, il était vraiment furax quoi. On va vous expliquer pourquoi. Voilà, vas-y, moi Guitar Hero, l'ancienne guitare, il y a des touches de couleur. Oui. Qui sont assez grosses, assez sympas et tout. Là, ils ont fait une refonte un peu de la guitare et maintenant il y a 6 touches qui sont tout en haut du manche et qui sont mais minuscules quoi. Genre moi j'ai des grandes mains, il y a des touches, c'est impossible de les avoir. Alors eux ils ont dit oui, on veut que le joueur fasse des barrés, tout ça, enfin des vrais tricks de guitariste un peu. Mm-hmm. Le problème c'est que c'est super dur quoi. Moi comme la vraie guitare. Ben ouais, mais regarde, justement. Je l'attendais celle-là, t'as bien fait de l'ouvrir toi. Non, parce que voilà, moi le reproche que j'aurais à faire, tu vois, voilà, c'est Guitar Hero, t'es en soirée, en apéro, t'es avec des potes qui sont pas gamers, pas guitaristes ou quoi. Tu leur donnes la guitare, tu balances le truc, ton pote, même avec 4 grammes, il connaît ses couleurs, quoi, tu vois. On est bon, quoi. Ouais, mais généralement, ils arrivent pas forcément dans l'ordre, hein, même s'ils connaissent ses couleurs. Bon, les couleurs, j'ai mon, après, c'est bon. Mais bref, du coup, tu vois, tout de suite, tu peux y jouer et t'as pas un délire, quoi. Là non, c'est hyper compliqué. C'est les médiators, ils arrivent ou pointés vers le haut ou pointés vers le bas. Ouais. C'est super chaud quoi. Ils ont bien augmenté la difficulté quand même. Ah ouais, ouais. Et puis c'est comme d'habitude, c'est comme DJ Hero en facile. Entre facile, je crois non, que c'est. Non, sinon facile, tu t'emmerdes. T'as facile occasionnel, voilà. Occasionnel, facile, ça sert à rien. T'appuies juste en rythme bêtement. Tu passes en normal. Tout de suite, il y a des figures de dingue. Et puis après, il y a un fossé mais énorme pour réussir à faire quelque chose quoi. Mais tu vois, même sur les anciennes versions, les modes experts. Ouais, c'est chaud. Mais déjà, tu vois, les couleurs, enfin, je sais pas. Fais-toi un morceau de Satriani en mode expert sur le. Ah ouais, non, mais je dis pas. Sur le précédent. Non, déjà, je dépasse pas le moyen, moi. Satriani, c'est assez chaud. Hein, ouais. Mais enfin, voilà, tu vois, c'est un petit reproche, quoi. Je sais pas, la guitare m'a pas plu, quoi. Il faut un vrai temps d'adaptation pour pouvoir rentrer quelque chose, quoi. Et ça, c'est pas cool. Tu vois, c'est comme un jeu de bagnole, quoi. T'as envie de rentrer, de t'amuser de suite. Bah voilà, puis c'est le genre de jeu où justement, voilà, comme je disais, tu le sors en soirée, tout le monde tape un délire, vas-y, quand t'en as Joe, en plus, mon gars, il y avait même pas Kenji Zirak sur la playlist. Il y avait même pas Kenji quoi. Bah en même temps, c'est du rock non dessus. Ah non, alors, ah bah parlons-en, pas forcément. Attends, je suis désolé, mais Activision, vous avez déconné sur la playlist. Parce que pour moi, Skrillex, Bangarang, c'est pas du rock, d'accord? Faut arrêter, ok? Ensuite, Eminem, ça passe encore parce qu'il y a une instru rock. Donc ça va, on va pas trop chier là-dessus. C'est une chanson de Billy Squier en plus qui a été repris, hein, samplé, machin et tout, et qu'on entend dans Duke Nukem aussi. Enfin bref. Et après, il nous sort de la folk. Non mais faut arrêter quoi. Enfin, you will know me. Et c'est un mec qui va au concert de Luc qui vous dit ça. Vas-y, allez, arrête quoi. C'est un bon groupe de rock français. En plus, ils ont fait un très bon album. C'est les morceaux que j'aimais bien parce qu'ils étaient faciles à jouer. Oui, alors oui, c'est, bah, c'est le genre de truc c'est un peu hippie, c'est le genre de musique un peu hippie où sur la scène justement t'as des nanas en robe avec des colliers de fleurs. Par contre, au niveau qui fume de la drogue à moitié nu, je te rappelle qu'il y a ton frère à côté. C'est ça. Ah d'ailleurs, je crois qu'il sort les menottes là en plus. Mais en soi, après, c'est vrai que niveau gameplay, c'est assez chaud. Il y a comme l'Infernal dit, c'est un temps d'adaptation. Et mais sinon, au niveau de l'ambiance. C'est cool. T'as vraiment l'impression d'être dans un concert où il y a le mode festival est juste. Ah ben Gusti qui a jeté sa veste à la fin dans Cultura. Hein. C'est, on retenait plus les clients. Pas loin. J'ai même jeté ma perruque, j'ai perdu mes cheveux comme tu peux voir. Mais la simulation, franchement, c'est juste ouf quoi. Parce que alors déjà on avait du bon matos en soi, mais le mode festival. En soi. ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le mode festival est juste génial. Tu enchaînes trois chansons. Et puis l'interaction avec le public, c'est-à-dire au bout de, je sais pas, tu fais 5, 6 aux fausses notes, et ben genre, ils changent d'attitude, tu vois, genre, you're a loser, t'as des gros panneaux, ils te jettent des canettes en plus. Ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas des cinématiques, et c'est la grosse feature de l'épisode, c'est qu'on fait des concerts, c'est pas des cinématiques, ils ont vraiment filmé un public dans des salles de concert avec un groupe sur scène qui fait du playback, on imagine. Et au final, toi, tu joues. Et dès que tu loupes trop de notes, ça fait un espèce de flou. Donc, technique. Une transition vidéo. Ils partent sur une autre vidéo où les gens te regardent, ils sont là. Ouh, mais qu'est-ce que tu fous? Les autres membres du groupe te regardent, ils disent, mais allez, joue! Enfin. Ouais, il te fait, vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de ruiner le truc, là. Ouais, ouais. C'est tu veux dire qu'il y a Eddie Murphy dans le jeu qui te parle comme ça? Il fait, ouais, mec, qu'est-ce que tu fais, mec? Il arrive en note de Shrek et puis il te dit que c'est de la merde, quoi. Donc ça, pour l'immersion, franchement, c'est vachement bien. Ils l'ont fait aussi pour Need for Speed, là. Un Bibine qui fait, oh, les cinématiques, elles sont super bien faite, hein. Bah, c'est des gens en fait, c'est filmé quoi. C'est filmé. Ah non, mais il nous a fait ça tout à l'heure, non mais les acteurs, mais un réalisme. Oh la motion capture de ouf. Y a Iskert qui demande si ça marche. Oui, ça marche, Iskert. Bisous, Iskert. Et donc ça, franchement, ça rend bien. Tout de suite, tu te chauffes un peu quoi. Tu vois, c'est du vrai public. Alors on a essayé de regarder un peu dans la foule. Il y en a qui ont des attitudes un peu débiles. Tu sens qu'ils sont là, tu regardes la caméra. Ils savent pas quoi faire. On lui a dit, mec, toi tu fais un truc. Eh ben, je fais quoi? Il y en avait un. Alors c'est très radiophonique, mais je lui disais, t'as un mec, il était dans la foule, et il regardait la caméra, et puis il faisait. Bah, il faisait genre le signe de pistolet avec ses doigts et les bougeait dans les airs. Il les bougeait dans les airs comme ça, comme un cowboy, tu sais, pour dire, yeah, je te tire dessus, mec. Yeah. Et donc c'était bidon. Je suis désolé mec, mais après ça ils auraient touché. J'ai touché 400 euros pour cette scène. Merci. Non mais donc franchement ça rend bien. Il faut quand même le dire, c'est plutôt cool. Mais bon voilà, moi c'est juste la guitare qui m'a dérangé. Bref, voilà, je pense que l'affaire est close. Je n'achèterai pas ce jeu. Bref, qui veut se lancer dans les news vite fait les gars? Bah allez vas-y. Une petite news Nintendo, alors beaucoup de gens qui suivent Nintendo je pense l'attendaient. On a eu l'annonce de la première appli mobile de Nintendo qui s'appelle Miitomo. Donc pour reprendre sérieux ouais, Miitomo, donc pour reprendre le côté des Mii justement. Et ça va être un peu un truc à la je pense que c'est un cross entre Facebook et le Miiverse qu'ils ont créé où ça te permet justement de rentrer en communication avec des gens réels. C'est un peu du Tomodachi Life si tu veux sur téléphone. D'accord. Et alors de ce qu'ils disent, c'est apparemment pour par exemple pour les gens qui sont aussi très timides, c'est aussi un bon moyen d'essayer de communiquer pour la première fois avec d'autres joueurs. Voilà, donc après c'est un free to play, on peut payer si on veut des trucs pour customiser son perso, mais il y a rien de payant obligatoire pour avancer. En soi, je pense plus que c'est un Facebook interactif quoi. Tout simplement où tu vois le Mii d'un autre personnage, tu lui parles, tu chattes, enfin voilà. Mais est-ce que ça a une grosse utilité en soi? Si t'es un enfant et que t'as pas encore Facebook, ouais, je pense. Mais à moins d'être fan de Nintendo quand t'es adulte, non. C'est gratos? Ouais, c'est gratos, c'est du free to play. Ouais. À voir. Mais enfin, après, c'est prévu pour 2016 sur iOS et Android. Mais bon, voilà, après, c'est vraiment juste du Facebook, hein. Du Facebook, mais en chat instantané comme ça et t'as ton Mii. Ok, voilà. Ben, et franchement, on l'essaiera puis on vous en parlera plus dans l'émission. Ça peut être pas mal ça. À tester. Yes. Voilà. Eh ben écoute, j'enchaîne. Je vais parler de Fallout 4 qui sort prochainement. Oui. Non. Et mardi. Attention les amis, parce qu'il y a une baisse de prix en ce moment. Non. Il y a une baisse de prix parce Fallout 5. Sur Fallout 4, que ça soit sur PC, Xbox One, PS4, eh bien, au lieu que vous payiez 70 euros, eh bien, il sera à 47 euros, mes amis. Oh, mais comment c'est possible? C'est bien. Eh bien, il y a certains magasins qui font cette offre-là, donc je vais pas dire lesquels. Aux États-Unis, que... puisque c'est non, pas non, chez non, nous. Non, non, non, non, non, c'est français, mon cher ami. Ah, cool. C'est français. Et peut-être qu'il y a des culturas, je ne sais pas, j'en sais rien. Ah, non, ça m'étonnerait. Mais je ne pense pas. Et voilà, donc vous pouvez aller sur Amazon et ainsi sur d'autres magasins très connus, dont je ne citerai pas le nom. Bah, mais, t'as dit Amazon, donc ce serait bien de les bon, dire okay, maintenant. Bon, ça va, ok. Amazon, Carrefour, les espaces culturels Leclerc et on les vendus au champ. Voilà. Donc au lieu de 70 euros, ben vous l'aurez pour 47 euros. Et moi je trouve que c'est un très bon prix. Et puis allez, c'est une belle offre de lancement. Oui, mais dis-leur que c'est le lendemain que nous on puisse l'avoir au Day One à ce prix-là. Ah oui, merde, putain, c'est vrai. Mais j'ai, oui. J'avais pas pensé à ça. Et tu oui. Peux, tu peux enchaîner avec ta news. Oui, alors tout à fait. Alors on apprend aujourd'hui que la Warner. Oh. Oh non. Elle a décidé de faire quelque chose de ouf. Oh. Ah oui, Batman. Vous vous êtes acheté Batman sur votre PC? Ah oui, oui, oh là oui. Ah oui, oui, oui. Vous l'aviez enfin? Vous attendiez les améliorations et tous les patchs et tout ça? Paye ton patch. Quoi. Vous l'avez lancé? Eh ben voilà. Alors sachez que Warner, c'est une des premières fois que ça se fait. D'habitude, on va dire que normalement, le remboursement d'un jeu ne se fait que si vous avez joué au jeu moins de 2 heures. Ouais. Eh bien là, exceptionnellement, pour ce Batman tellement à problème, jusqu'au 31 décembre 2015, vous avez le droit, sans justificatif, de demander le remboursement de votre jeu Batman ah. Et des DLC que vous avez pris avec et du Season Pass. Bon ben j'ai pris un Season Pass sur PC à 150 euros. Bon arrête, c'est pas Battlefront non plus. Hein, faut il faut en amener la preuve quand même. Hein. Bah t'as dit sans preuve. Non, sans preuve. Sans donner de justificatif quant à pourquoi tu demandes le remboursement du jeu. Oh, merde. C'est pas grave. Donc voilà, chers amis PCistes, vous savez que. Maintenant, vous pouvez aller changer votre Batman et vous faire rembourser intégralement, même si vous l'avez acheté il y a 15 jours. Il s'en sort pas de ce jeu, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Et il regrette, il s'excuse. Il y a encore une équipe qui continue de travailler pour essayer de résolver. J'ai eu ça, je parle de maison. Ouais, non, mais quand ça marche pas, faut arrêter. Quoi. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'ils auraient carrément dû le retirer. Donc, bon, il y a quand même. Deux pauvres gars qui sont en blouse blanche et qui travaillent sur les prochains DLC Batman et faire en sorte qu'ils fonctionnent sur PC. Mais sinon, va y avoir une grosse, grosse vague et ça va faire très, très, très, très mal à la Warner. Quand ah même. Ouais, carrément. Et en plus, si. Attends, non, c'est Avalanche Studio qui avait fait Mad Max. Ouais. Et ouais, et il licencie. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que Mad Max a plutôt bien marché. Ouais. Et il y a Just Cause qui arrive là le début décembre. Ouais. Et il licencie à mort, quoi. 24 personnes. Donc, en deux fois. Deux fois 12. Le jeu était terminé, salut quoi. C'est la dure loi un peu de voilà. Hein. Ou c'est peut-être les mecs qui sont barrés parce qu'ils ont pas aimé aussi. Ah non, ils se sont fait virer. Non, non, ils se sont fait virer en fait. Okay. C'est deux plans, enfin comment on appelle ça, des plans sociaux. Deux plans sociaux, deux fois 12 personnes. Tu vois, à force de demander du rab à la cantine, ça dégage. Ah mais c'est la base ça. Il n'y a plus de Kiri, je comprends pas. Yes, allez, moi j'enchaîne. Tiens, bah ouais, l'autre jour, je regardais la télé, puis Jacob, mon chat, il s'assit sur la télécommande, et puis je suis tombé sur Arte. Donc, du coup, bah, j'ai regardé. En fait, vous pouvez le retrouver hein, sur arte.tv, les replays d'Arte. En fait, si vous voulez, ils ont diffusé un reportage sur 6 Francis Drake. Ah oui. Donc le descendant de Nathan Drake en fait. Donc c'est un petit peu romancé, un petit peu voilà. Mais c'est pas si mal en fait. Donc c'est marrant, ça fait un petit lien avec le jeu. Et tu retrouves quand même des un choses. Peu. Ouais. Ouais. Et en fait c'était un pirate de ouf. Mais bah, il a regardé le reportage en mode extrême. Il a platiné. Non mais franchement je vous invite à aller faire un tour sur arte.tv. Alors je sais pas comment ils foutu leur système de replay, si c'est bien rangé ou quoi, mais ça doit être dans reportage je pense, vu que c'est une reconstitution un peu, c'est peut-être un téléfilm. Je sais pas comment ça sera rangé, mais je vous invite à aller le voir si vous êtes fan d'Uncharted, franchement c'est assez marrant. Voilà. Ok, ben je vais enchaîner. Moi je vais vous parler de Guillermo del Toro. Ah si si. C'est Guillermo del Toro qui dit être toujours chaud pour bosser avec Kojima. Alors suite aux insatiables, on va dire rumeurs, hey, il bosse plus. Un coup, on a eu Guillermo del Toro, je suis maudit, je bosse plus avec personne parce que je vais ruiner sa carrière. C'est clair. Là, il a balancé sur Twitter il y a pas longtemps, je voudrais travailler avec lui n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quoi. Et nous le savons. Il est chaud, quoi. Voilà, il est chaud. Il arrête pas. Il y a pas une semaine où il relance pas Kojima. Ah, c'est impressionnant. Il est chaud patate. Après, les deux, ils sont clairement en contact, je pense. Ils savent très bien ce qu'ils ont peut-être en tête. Le problème, c'est juste de se poser, de dire ok, maintenant on s'installe à tel studio, on fait tel truc. Voilà, ils ont les idées, mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens encore. Donc malheureusement, il va falloir attendre. Ok, tiens, il y a Isker, petite parenthèse, qui fait « On n'assume pas de regarder Arte, on accuse le chat. » Et il y a Kalec, comme d'habitude, qui fait « Allô ?» Au téléthon. Oh, le téléthon. Il y a quelqu'un dans le téléthon ? Quel bon souvenir. Mais écoute, mais j'enchaîne. Vas-y, vas-y. C'est un bon souvenir en soi. Alors, je vais vous parler de cinéma et plus particulièrement de la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Ah. Le fameux film de Tim Burton, malgré ses mauvaises critiques, ça a été le plus gros carton mondial en 2010. Eh bien, sa suite arrive le 1er juin 2016. Alors attention, c'est pas Tim Burton qui va le réaliser. Non, il sera à la production. Et c'est un autre réalisateur, donc je me souviens, le prénom c'est James Bobin. Donc, James Patagirl. Non, mais ouais, je sais pas, James Bobin, je sais pas, enfin, avec l'accent anglais tellement so british. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce James Bobin ? Eh bien, en fait, il a fait les derniers films des Muppets. Donc, il y avait Le Retour des Muppets. Et oui, bon, après, qui se soucie des Muppets en 2015. Mais voilà, donc du coup, il sort le 1er juin 2016. On a pu voir un petit teaser d'une dizaine de secondes où on voit le chapelier fou qui ouvre une porte et puis qui saute dans le vide. Ça a l'air beaucoup plus. Non, franchement, honnêtement, ça a l'air beaucoup plus lumineux que le précédent de Burton. Donc j'espère que ça sera une bonne suite en soi parce que franchement, le premier Alice au Pays des Merveilles, j'étais pas trop emballé. Ah bon ? Ah, j'ai bien aimé moi. Ah, non, franchement, on sentait vraiment qu'il y avait Disney derrière et qu'il laissait peu de liberté à Burton. Alors que Burton, c'est Edouard Main d'Argent, Big Fish, c'est des putains de bons films si vous aimez le côté un petit peu fantastique. Donc voilà, Wait and See le 1er juin 2016. À toi, Kogu. Bon, bah alors, puisqu'on est dans le cinéma, on va y rester. Ah, génial. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Est-ce qu'on se serait pas fait spoiler la fin de Star Wars ? Oh, mais c'est pas grave. Oh, attends, fais attention à ce que tu dis. Ouais, c'est clair. Avez-vous lu la dernière théorie en date ? Je crois que je l'ai. Jar Jar Binks ? Jar Jar. Ne serait-il pas le plus grand méchant de l'histoire de Star Wars ? Je me fais l'image. Eh bien, écoute, il y a quelqu'un qui a élaboré ça de façon très sérieuse, qui a étudié chaque plan, chaque passage, chaque phrase. Et aujourd'hui, il sort cette théorie-là, comme quoi en fait Jar Jar serait vraiment le plus grand des méchants dans les histoires de Star Wars, plus méchant que tous les autres méchants. Plus relou aussi. Plus relou. Mais justement, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir, tu vois, se faire percer un petit peu pour le crétin de base, et en définitive faire passer ses idées, parce que son vrai pouvoir serait dans la manipulation mentale des gens. En fait, ça va finir comme un épisode de Scooby-Doo. Le méchant va enlever le casque. C'est ça. Oh mon Dieu, c'est Jar Jar. Jar Jar, il va enlever un masque. Oh mon Dieu, c'est Monsieur Bobby, le directeur du parc d'attractions. Ça va être trop ça, quoi, Star Wars. Quoi. Carrément. Mais en même temps, après, c'est. Moi, je dis, ça se tient. Pour avoir lu donc tous ces petits. Non, mais il devrait vraiment se faire chier quand même. Ça voudrait dire que quoi ? C'est le mec qui est encore plus méchant que Dark Vador, etc. En tout cas, plus manipulateur, puisqu'il arrive absolument à avoir ce qu'il veut. Il se fait placer à la tête d'une armée. Il participe plus ou moins, en fait, à la mise en exergue de l'empereur. Et t'as vu ça, j'emploie des mots. On est bien d'accord que Jar Jar, c'est le mec qui a une pseudo tête de girafe. Où ça a mis ça ? Il a une tête de girafe avec des oreilles d'elfe. Là. C'est ça. Ouais, okay. Et ben, dis-toi que si ça se trouve, c'est lui qui maîtrise le plus la force, et la force du côté obscur en plus. Ouh. Eh ben. Donc voyez. Tiens, je fais une petite parenthèse. Il y a Captain Hugues, tiens, qui nous écoute dans sa voiture. Captain. Et il nous tweet première fois que j'écoute la voix du geek sur Eau de Radio, et ça parle de Guillermo del Toro. Ah bah oui. En fait, c'est un petit, une petite private joke. Il lui ressemble un peu. Ah, un peu. Et la dernière fois, il avait une veste en fait que porte aussi Benicio del Toro. Guillermo, pardon. Benicio. C'est pas le même calibre. Oui, non, mais ça finit pareil. Donc oui, phonétiquement, on était pas mal. Mais donc voilà, on t'embrasse, mon poulet. Bisous. Puis fais attention quand tu changes la station, parce que la route, c'est tout droit, c'est dangereux. Bref. Et puis tiens, sur le Twitch, il y a Calais qui fait écouter la voix du geek devant une image représentant Brice torse nu portant fièrement son étendard. Toi aussi, tu es tout émoustillé, lui dit Moumout. Bref, on va pas tout lire parce que ça va devenir un roman photo, le bordel. Mais bref, juste avant qu'on s'écoute Tame Impala, tiens, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi, qui fait partie du news, mais on en avait parlé dans l'émission. Vous savez, Lego Dimension. En fait, si vous voulez terminer le jeu à 100%, il vous en coûtera 774 €. C'est rien. Ça va, c'est toi. Une paille. Et ouais, parce qu'il faut acheter tous les petits personnages, tous les petits trucs à collectionner, et il y a des portes qui s'ouvrent qu'avec un tel bon. les arnaqueurs, quoi. Et ben en fait, ils sont tellement fait taper sur les doigts qu'ils ont un petit peu changé le système. Et maintenant, quand on est devant une porte et qu'on n'a pas le personnage, on peut le louer pour 30 secondes et ça nous coûtera 50 000 petites pièces. Vous savez, du jeu. Ouais. Et donc pendant 30 secondes, on a le perso, donc genre Scooby-Doo ou machin. On peut titiller le truc qu'on doit faire. Hop, tac, et puis après, ça s'arrête. T'imagines le truc? Bon, on est au bout du rouleau. Ouais. Bref, voilà. Bientôt, on va avoir des jeux où il va falloir payer le DLC pour pouvoir jouer le personnage principal. Ouais, non, enfin, mais c'est ouf, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, on peut louer les personnages pour 30 secondes. C'est du jamais tu sais, vu. Comme les disquettes. 30 alors, secondes. Tu et c'est là que ta femme t'appelle pour demander d'attraper un truc, dévisser l'ampoule. Et résultat, tu reviens, ta porte fermée, t'as perdu tes crédits, quoi. Alors, après, ça va, c'est pas la mort des petites pièces. Il en traîne plein dans tous les niveaux des jeux Lego. Mais quand même, tu vois. Mine de rien, enfin, tu vois, on a encore mis de pied sur un truc chelou, quoi, tu vois. C'est Space, hein. Mm. Bon, bref. T'as une petite news vite fait, Dandy, avant qu'on s'écoute vite fait, ouais, de 30 secondes. On va parler du petit trailer qu'il y a eu où on voit pas grand chose pour Outlast 2. Alors, à savoir que qu'est-ce qu'on voit? On voit une croix. On voit rien, en fait. Une croix qui prend feu et une espèce de vision nocturne en extérieur. Une croix inversée. Une croix inversée, ouais. Alors, au début, ça a l'air à l'endroit, mais en fait, c'est inversé, donc ça doit être très satanique. De ce qui en ressort des gens qui en discutent autour, c'est que, apparemment, ça serait peut-être axé religion de par cette croix. Et, les premiers étaient déjà pas mal axés. Sherlock Holmes, c'est sur le coup. Et que peut-être, ça se passerait en extérieur aussi, pour une fois. Ah, bon. Alors après, comme on le disait, ça serait peut-être du Slender-like. Ah, moi, bon. Ça me fait pas peur si c'est en extérieur. En tout cas, ça arrive automne 2016 sur PS4, One et PC. Et yes. Allez, il est 19h30. Vous écoutez toujours la voix du geek. On revient dans un instant. On parle avec Léo, tiens, qui va nous présenter la zone du dehors, une librairie alternative. On peut dire ça. On peut dire ça. En quelque sorte. Un coup elle est ouverte, un coup elle est fermée, un coup voilà. Elle est ouverte, un coup. En fait, fermée. Il faut passer au bon moment. Tu fais une roulade. Et après, c'est bon, tu rentres. C'est voilà. Fort Boyard, le truc. C'est Fort Boyard. Et il faut répondre à l'énigme. Bref, et puis après, on se fait le test d'Assassin's Creed Syndicate. Oh, allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Et nous, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. Allez, on est de retour, on est toujours en direct. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Ode Radio 411.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, le test d'Assassin's Creed Syndicate, que je me trompe pas. Mais avant, on va parler avec notre invité. Et attendez, vu que je dis tout aux auditeurs, en fait, sur ma gauche, il y a un poste, un transistor sur lequel qui sert de retour, en fait, pour savoir si on est bien à l'antenne. Et genre pendant le scud, je me dis tiens, est-ce que ça marche, toi, est-ce que c'est assez fort ou pas? J'écoute, c'était Francis Cabrel, quoi. J'ai halluciné. En fait, c'était pas sur la bonne station. Voilà. Donc bah, sur le coup, j'ai flippé. Je suis là, putain, il y a Francis Cabrel à l'antenne. Je viens de balancer Tamine Pala. Voilà. Bon, bref. C'était la petite parenthèse. Est-ce que vous voulez que je mette une petite bande son derrière? Ah oh, bah ouais. Vous avez l'air tellement joyeuse. Nous le sommes. C'est un truc de ouf. Allez, tiens, on va se mettre. Ah, putain, en plus, c'est la bande son d'Assassin's Creed. Pour ah, bah, on va en parler. Tu me mets dans l'ambiance là. T'as vu? Léo. Ouais. Présente-toi un petit peu. T'imagines le truc de l'angoisse? Ça va mieux. Je suis passé par des moments difficiles, mais. Alors, allonge-toi si tu veux, on va parler ensemble. Tu sais, on dirait un petit peu les émissions qui passent sur des radios un petit peu plus sérieuses la nuit. D'accord. Il est 22h, nous sommes en compagnie de Léo. Tu sais, c'est le genre de truc aussi où ils te lisent des bouquins. Ah oui, Voyage au bout de la nuit sur ouais, D8, voilà. Ça s'appelle. Oh, c'est la tristesse. Ah, t'imagines? Mais ça, un vrai public. Hein. Ouais. Bon, bref, on s'égare un peu. Léo, donc, pardon. Toi, tu es qui au final? Tu es juste un libraire ou tu es un peu le boss? Oula. Alors, si tu me demandes qui je suis, là, c'est quand même un peu compliqué. Attends, faut qu'il se prépare en plus. Attends, pardon. Effectivement, je suis libraire et avec un pote qui tient un magasin de jeux vidéo à Bordeaux d'ailleurs. Ricardo, qu'on embrasse. Qui nous écoute peut-être. On a eu cette idée de faire une librairie qui casserait un petit peu les murs de la librairie parce que bah pour pas mal de gens une librairie c'est surtout tenu par des intellos ou des vieux monsieur. Et oui, c'est pas faux. C'est l'image qu'on en a, c'est quoi. Vrai. C'est un peu ça. Et il y a même des stats très précises, Ipsos et compagnie, qui expliquent qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu impressionnés à l'idée d'entrer dans une librairie. Donc on a vraiment voulu casser ça. Et on s'est dit qu'on allait faire une librairie café pour commencer, parce que déjà on peut venir pour autre chose que pour prendre un bouquin si on n'est pas forcément à l'aise avec la lecture ou quoi que ce soit, se poser tranquillement et passer déjà un bon moment. Et puis il s'avère que on a développé le projet et puis on est devenu une librairie café et galerie en même temps, parce qu'on est, tous les deux un petit peu fans de tout ce qui est art urbain, et moi j'ai une nana qui est là-dedans depuis un moment. Elle avait une asso qui s'occupait de promouvoir tout ça depuis un moment. Donc du coup on a réuni ces trois concepts là pour créer une librairie qui s'appelle La Zone du Dehors. Alors, qui est juste à côté de chez moi en plus. Qui est juste Victor à côté Hugo, de chez toi. Qui parlera à tous les auditeurs hein, qui nous écoutent de toute la France. Et donc, ouais, peut-être le nom de la librairie, je vais l'expliquer parce que ça explique pas mal de choses en fait. La Zone du Dehors, c'est un roman de science-fiction écrit par Alain Damasio. Et donc, dans cette science-fiction-là, on se situe en 2084 et les humains ont colonisé une autre planète sur laquelle il y a une grosse ville qui s'appelle Cerclon. Et elle porte bien son nom parce que c'est un cercle et qu'il est enfermé. Ça perd l'hypopète. N'est-ce pas ? Et en dehors de tout ça, gros désert à la Mad Max, pas grand-chose, des espèces de bidonvilles qui essayent avec des gens rebelles dedans et tout, qui sentent mauvais. voilà. Saint-Michel, quoi. le troll, quoi. Et donc, en fait, le propos du bouquin, c'est qu'effectivement, il y a toujours une frontière qu'on essaye de mettre quelque part. Cerclons est encerclé, et derrière, il y a cette zone du dehors qui est interdite, qu'on essaye de mettre entre différentes populations, alors que ce soit entre les Français et les migrants, par exemple, entre les humains et les extraterrestres, ou quelque chose. Il y a toujours une histoire de frontière, à un moment donné, qui est difficile à passer. Et pour Kogu, le silence des frontières. C'est une private joke, mais voilà, je pense qu'il comprendra. C'est ça, on s'est compris. Ah bah ouais, mais les auditeurs n'ont pas compris du coup. C'est par rapport à une chanson de Luke, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Luke, pas Luke. Luke, Luke, Lucas, Luke, je sais pas. Skywalker ? et donc du coup, le bouquin exhorte le peuple et donc son lecteur aussi à sortir de sa zone de confort pour aller vers la zone du dehors. Et par métaphore, évidemment, à sortir de soi-même, c'est-à-dire être toujours en mouvement, jamais se contenter de qui on est, chercher, être curieux, aller vers l'extérieur, etc. C'est ce qui a donné le nom de la librairie, parce que Glace. Parce que librairie, galerie, café. En plus, c'est assez rigolo, mais quand on est arrivé dans ce lieu-là, ce local il était dégueulasse. Il y avait une école de musique à la limite de l'abandon. Qui était là et qui avait séparé en fait tout l'espace, qui est assez grand, fait 184 mètres carrés. C'est écrit en gros sur le fly. C'est ça. C'est ultra grand quoi. Caméra ici, c'est complètement con, ce que je fais. Regardez, je vous le montre les auditeurs. Voilà, oh, magnifique. Eh oui. Et en fait, il était cloisonné en plein de petites salles de cours, donc il y avait aucune lumière qui passait ou quoi que ce soit. Donc même dans l'acte de construire la librairie, il a fallu qu'on casse des murs, donc on est resté un petit peu dans cette idée de on va casser les murs et puis ceux qui restent on va les décorer avec du graphe. Ouais, alors voilà. Parce que je suis passé avant-hier, il y a un espèce de graphe en rentrant, c'est deux gros poussins énormes. Genre tu prends en photo, après tu peux régler ton écran d'ordinateur avec, tellement il y a des couleurs et tout. L'amir qu'on l'appelle dans le métier. Mais non franchement c'est super classe. Pour ceux qui connaissent, c'est Monsieur Poulet qui a posé. Non mais c'est vrai, c'est son nom de graffeur. Alors vous pouvez le retrouver à KFC tous les mardis soirs. Il mange souvent là-bas. C'est juste en face. En plus. Non, mais il a posé des graphes partout. À Darwin, il y en a pas mal aussi. Yes. C'est vraiment un mec qui est reconnu. Hein. Yes. Et donc lui, c'est celui qui a fait notre fresque. Notre fresque, elle change tous les 2-3 mois. Oui, parce que avant, c'était une Air Max, une Nike Air Max, et qui était découpée en petites lamelles un peu, comme des fois on voit des représentations d'armes à feu toutes démontées. Comme des burgers. Tu sais, avec la tranche de le steak, le cheddar, le pain, la salade. C'est ça. L'artiste s'appelle Mocha et parfois il fait des burgers aussi. Mais t'en as loupé une parce qu'il y a eu 3 fresques. D'accord. Et entre les deux, on a eu une fresque basée sur Shadow of the Colossus. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Génial. Cool. Et qui était faite par Ahab. C'est A-H-A-B qui veut dire All Human Are Bastards. Ça, c'est un groupe d'artistes. Ah, c'est yes. Voilà. Donc c'est vachement bien ce qu'ils avaient fait. Et juste, après on va parler plus en profondeur un petit peu de ce qu'on trouve dedans, mais on va rester sur l'extérieur. Cette grande sculpture qui est dans la rue, c'est qui ? Elle sort d'où ? Alors, quelle belle transition. C'est effectivement le même groupe, Ahab, donc All Human Are Bastard, qui fait des robots à taille humaine, donc avec du matériel de récup. Donc du coup, là, il y a vraiment un côté post-apo. Ouais, grave. Et puis un petit peu dangereux sur les bords, même si en fait il est très sympa, hein. il s'appelle Robert, ça se passe très très bien. Il est fait avec des boulons, des écrous soudés, ouais. Tout un tas de choses. Et donc on avait ça dans la librairie pendant un petit temps, et puis là ils sont repartis au garage parce qu'ils vont être un petit peu réparé, rapiécé pour être plus solide et être vendu aux enchères, et tous les fonds qui sont récupérés iront directement aux artistes. Nous on touche rien là-dessus évidemment. Voilà. Yes. Ben, je sais pas, vous avez des petites questions à poser? Moi j'en ai une. Ah, une question acoustique. Existentielle. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a des comics dedans? Est-ce qu'il y a des justement, voilà. Je m'en doutais. Est-ce qu'il y a des comics dans la zone du dehors? Alors, on a des comics dans la zone du dehors parce que la zone du dehors, c'est une librairie qu'on a voulu à tendance arty, geeky et sexy. Donc ça me plaît. Ouais, bah oui. D'abord parce qu'on est sexy, hein, on est 5 mais c'est dans vrai. L'équipe, mais on est tous beaux. Donc, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je me retiens. Ça, c'est discutable. Tu nous as pas tous vus, c'est pour ça. Kogou fait le jaloux, là. Attention. J'ai pas aimé la présentation au début d'émission. Non, ouais, on a pas mal de littérature, on va dire estampillée geek, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, tous les dérivés de science-fiction et fantasy, et il y en a beaucoup. Du comics, des essais sur les comics, sur les vampires, sur les loups-garous, on a des tonnes de documents très très sérieux, ouais. Hein, faits sur ça. Et on a aussi un rayon jeux vidéo, avec beaucoup de hardbooks évidemment. Hein, C'est les invendus de Ricardo que vous ramenez là-bas? Non. ça troll ce soir. On vend pas de jeux nous, mais on vend pas mal de bouquins autour du jeu vidéo, parce qu'il y a, beaucoup de choses sur le jeu vidéo en ce moment qui arrivent en librairie pour plusieurs raisons. D'abord parce que de plus en plus, on commence à comprendre que c'est une vraie culture, même oui. Dans les librairies. C'est un art, surtout. Merci. Il n'était pas trop tôt. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques de notre économie libérale, etc., qui s'inspirent en fait du fonctionnement des jeux vidéo pour expliquer l'économie. Ça, c'est y a vraiment beaucoup, beaucoup de bouquins sur comment en fait la gamification, c'est un mot. Un peu tordu, mais ouais, ça marche, existe vraiment. Non, il existe, je ne l'invente pas. Pas plus que Téléthon. Téléthon, pardon. Bref, la gamification de l'économie amène à ce trop de libéralisme, etc. Il faudrait peut-être pas traiter l'économie comme on traite les jeux vidéo. C'est deux choses différentes, c'est bien qu'elles soient différentes. Quoi. Voilà. Et pour la partie sexy? Pour la partie sexy, bah, c'est cool. Nous. Ah, ça y est, quoi. Hein. C'est quand même nous, principalement. Non, il a un moustache qui pour frétille. Pour la partie sexy, on fait beaucoup, beaucoup de bouquins d'art. Et dans les bouquins d'art, il y a des bouquins de photos, il y a des bouquins de tatouages, surtout. Ah, donc, moi, personnellement, le tatouage, je trouve ça sexy. Donc, merci. Alors, est-ce que tu as des bouquins sur les rousses? Parce que tu sais que Kogou, comment il balance, l'autre il me met tout seul dans le truc. Non, mais parce que t'en parles depuis tout à l'heure, je vois que t'es à fond sur le côté sexy. Parce que j'ai posé une question. Ouais, voilà. Alors je la pose pour toi. Vas-y. Alors je pense que si on avait, je crois que non, hein, mais si on avait un bouquin sur les roues, pourquoi pas? À la limite les roues et les rousses, tu vois, genre mélanger. Mais un bouquin sur les roues, ce serait quand même vachement sexiste. Comme, même pas l'artbook de Rebel, par exemple, je sais pas. ça marche aussi. Si, attends, il y a la galerie des portraits d'Harry Potter qui fait une grosse, grosse section sur Ron. Ouais. Bon, voilà. C'est tout ce qui me comble. Avec une perruque, c'est une rousse. Il n'y a pas de problème. Yes. Et du coup, vous êtes nombreux quand même. Est-ce que tu veux nous présenter tes petits camarades? Oui. Alors, donc, Ricardo, c'est l'associé. Hein. Donc, il tient la partie café. Enfin, parce qu'on ne pouvait pas tout faire tous les deux. Donc, moi, c'est plutôt librairie. Lui, c'est plutôt café. Ensuite, il y a deux libraires qui bossent avec moi. Brice, qui s'occupe de la partie cinéma et... voyons. Brice, qui s'occupe de la partie cinéma et jeunesse. Et Jessica, qui s'occupe donc de la partie art et puis aussi les bouquins pratiques. Donc, tout ce qui est cuisine, couture, machin, etc. Parce que c'est une femme qui vous avait refilé ça. Ça veut dire c'est pas sexiste, ça. Je me retiens depuis tout à l'heure. Bon, alors, il s'avère que la personne à la cuisine est un homme, donc je vais y venir. D'accord. On a fait attention à bien... Et elle fait l'histoire aussi, parce que c'est une passionnée d'histoire. Et donc moi, je me retrouve avec les rayons, littérature et sciences humaines. Et enfin, Morgane, qui est au café avec Ricardo et qui est l'inventeur de la plupart de nos recettes, qui sont délicieuses. Et ouais, voilà. C'est des recettes geeks ou pas? Alors, on a effectivement le bouquin Gastronogeek, je sais pas si ouais, c'est pour ça que je fais le lien, ouais. Qui est vraiment très rigolo, et on a l'auteur d'ailleurs qui vient chez nous le 14, donc vous pouvez venir apprendre à faire des potions le 14 à la classe. Non. Est-ce qu'il y aura des potions pour faire repousser les cheveux? Non. Je demande ça pour un pote à moi. Je sens la question visée, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse vachement avec Ogumasa. Non, mais il y aura de l'alcool dans les potions, voilà. Ah bah, faire le dire, ça fait venir du monde. Ça fait pousser les cheveux, ça me va. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais non, nos recettes sont pas tirées de ce bouquin-là, sauf pour certaines soirées. On a des soirées Star Wars à prévoir pour décembre, et à mon avis, il y aura des choses dans les assiettes en rapport. Yes. Et on va parler un petit peu de toi. Est-ce que tu joues, toi? Alors, tu joues à quoi en ce moment? Tiens. Et ben vous parliez d'Outlast tout à l'heure, je l'ai terminé il y a pas longtemps, le premier, hein. Je savais même pas qu'il y avait un 2. Ouais, je suis la typologie du joueur qui met plein de choses dans sa wishlist et qui attend que ça soit à moins 75% pour les acheter. Donc, okay, je joue au jeu très en retard par rapport à leur date de sortie. Et puis c'est pas grave parce que j'ai tellement de bouquins, de films à voir, de jeux à faire que. Bah, et sinon, Super Mario Bros, tu t'accroches bien là en ce moment? Faudrait que je me le refasse parce que il y a des choses du scénario que j'ai pas forcément bien pillé. Ah ouais, ça m'étonne pas. Je suis pas sûr. Mais ouais, non, je suis toujours sur Pillars of Eternity, effectivement. Très très dur comme jeu, hein. Ouais. En même temps. Ouais, j'en chie pas mal, effectivement. Et puis quand le temps viendra, il y aura certainement du Witcher qui va tomber Celui-ci prévoit de le finir vers 2017-2018. Ouais, voilà. Ah, t'es parti pour un moment. T'es vraiment gentil. Je pense que je l'aurais terminé en 2020. T'es parti pour un moment. Bah, Goustique, c'est encore en cours. Ouais. Clément, c'est fait. Toi, c'est platiné. Ouais. C'est encore en cours parce que moi, quand je vais d'un point A à un point B, ben je fais ah tiens, il y a un endroit là, je vais là-bas. Y a une fleur. Ah tiens, je fais ah tiens, il y a un dragon. Mais le pire, vous le savez pas, mais dans la vraie vie, il fait pareil. Ah oui, grave. C'est vrai. Même dans les streams aussi. Ah même, c'est ça. Le mec, il va chercher une chocolatine, il arrive à se retrouver dans un strip club. Ouais, c'est vrai. C'est pas pourquoi, mais. Voilà. Bah, c'est ma vie. Voilà, les gens. Mais alors, par contre, les Assassin's Creed, c'est toujours ma meuf qui les a fait. Moi, je les regarde, les Assassin's Creed. Pour moi, c'est des films. Donc, du coup, je la laisse faire un peu les parties qui sont parfois un peu répétitives dans l'Assassin's Creed. Ouf. Et puis quand il y a une cinématique ou quand il se passe quelque chose, je tourne la tête et je regarde. T'as j'aime bien l'histoire. C'est pas mal ça en fait, c'est une bonne idée quoi. J'aime bien l'histoire. J'ai même lu l'histoire sur Wikipédia à un moment donné parce que j'avais décroché un peu et du coup je suis allé regarder ce que j'avais loupé. Donc, il a tellement peur de sa femme que si elle lui posait une question, il fallait qu'il soit au top quoi. Mais on va en parler tout à l'heure du dernier assassin. C'est mitigé, hein, pour toute la bande. En tout cas, merci Léo. N'hésite pas. Je cherche mes mots. N'hésite pas. En tout cas, n'hésite pas. N'hésite pas. Ouais, n'hésite pas. Quoi que t'aies envie de faire. Tu viens quand tu veux. C'est ça. Tu viens quand tu veux, mon copain. Bon bref, donc voilà la zone du dehors. Hein. Donc attends, est-ce que j'ai l'adresse? Oui, 68 cours Victor Hugo à Bordeaux. Allez-y faire un tour. C'est super sympa. Carrément. On a un peu le temps là. Il nous restait des news. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse assassin maintenant? Je voulais juste une dernière question. Ah bah vas-y. La zone du dehors, c'est quoi les prochains événements de Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé, tiens. Je l'avais noté. Parce que plus. T'as parlé de Star Wars, mais est-ce qu'il y a des choses avant ouais. Star Wars? On a pas mal de choses, ouais. Alors, je vais essayer de les faire de mémoire parce que j'ai pas mon petit carnet avec moi, mais vendredi là, on a l'auteur de Veridienne. Veridienne, c'est un roman de fantasy qui se passe dans un royaume qui est en proie soit une épidémie qui va bientôt arriver, soit une guerre civile, soit les deux en même temps si ça foire bien. Mmh. C'est des intrigues de château avec des personnages hyper bien campés. Je vais le dire maintenant parce que voilà, je m'engage. Je suis pas très fan de Game of Thrones, mais t'inquiète. Ce que j'aurais voulu voir dans Game of Thrones, je l'ai vu dans Veridienne. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la vraie bonne épopée de château avec des personnages qui font pas juste que faire les beaux et en fait ils valent rien. C'est des personnages bien construits, etc. Donc, en gros, il y a pas de baise, c'est ça? il a bien résumé. Détrompe-toi, il y a. Enfin bon. Faut dire que les héroïnes commencent très très jeunes, donc au début il y en a pas beaucoup, mais bon, elles grandissent. Donc, dès qu'elles sont majeures. Aïe. Mais ouais, moi Game of Thrones, c'est ce qui m'a médiéval, fait décrocher. Hein. Ah non, mais c'est qu'il y a trop de personnages, t'as l'impression qu'on te montre l'annuaire, quoi. Ouais, ouais. Mais en même temps, t'as pas le temps de t'y attacher dans cette série, donc. Oui, c'est vrai que c'est assez rapide, quoi. Bon, la majorité, tu sais, au Moyen-Âge, c'est pas obligé non plus. Hein, donc, oui, c'est vrai. Mais là, j'allais dire la durée de vie des gens, mais c'est assez court, quoi. assez court. Donc ça, c'est le premier événement, c'est vendredi et c'est à 19h. Ensuite, on a effectivement le cours de potions le 14. Alors, je ne sais plus quel jour ça tombe, je crois que c'est un samedi. C'est en après-midi, c'est à 16h, donc là avec l'auteur de Gastronogeek. Tiens, j'en ai oublié un avant, le 12, on a une conférence d'une asso qui vient nous expliquer tout ce qui va être le sujet de la COP21 sur l'environnement et tout oui. ça. Tu sais, le grand rassemblement des 80 chefs d'État qui vont réfléchir à est-ce qu'on détruit la Terre ou pas. En gros, c'est une conférence ludique, amusante, sans mots compliqués exprès, parce que ça doit être accessible pour tout le monde, et ouais, non, mais les enfants également. Et ça explique un peu tous les sujets qui vont être abordés et se préparer en fait à ce truc-là. Ça, c'est pas mal pour le coup. Et enfin, pour finir le mois, on a le 27 novembre, on a Monsieur Odieux Connard. je sais pas si vous connaissez ce blogueur, c'est un. Si. Ouais. J'ai lu un article sur 51 degrés et ça m'a fait mourir de rire. Mais non, mais c'est excellent ce qu'il fait. C'est un mec qui fait soit des critiques de films, soit il va juste commenter l'actualité. Avec une mauvaise foi absolument géniale et un sens de l'humour vraiment vraiment au top. Quoi. Donc allez voir le blog et si ça vous plaît, le 27 novembre à la librairie, il vient signer son bouquin. Tu peux redonner le nom s'il te plaît ? Odieux Connard. Odieux Connard. Voilà. C'est juste histoire de dire connard à la radio. Vous l'avez pas vu, mais il avait une flamme dans les yeux en me regardant et en disant ça. Dis juste ça. Je suis sûr qu'ils l'ont vu. Et donc, effectivement, en décembre, il y a des événements Star Wars, mais je les garde secrets pour l'instant parce que tout n'est pas fixé. Mais je pense que, de toute façon, en décembre, on en parlait dans le tram avec Goustique tout à l'heure, mais en décembre, on va prendre un raz-de-marée Star Wars. On n'est pas à l'abri d'avoir des timbres à la poste Star Wars, quoi. Je confirme qu'il y en aura. Hein. Oh merde! Méfie-toi, je méfie-toi. Je le sais. De manière sûre, je sais qu'il y aura des timbres Star Wars. Parce que la poste fait des colissimos au design de Star Wars. Genre, il y a des colissimos. Tu vas recevoir ton courrier dans un D2. R2-D2. Donc, c'est. Je pense que là, la planète sera Star Wars. Donc. Ils auront des droïdes qui, genre, quand t'as un recommandé, tu vois, ils sonnent chez toi avant de mettre dans la boîte aux lettres en disant que t'es pas là? Tu vois? Oui, ça serait pratique, ça. Ouais. Parce que plein de fois, ils sonnent pas, les gars. Tu peux faire une parenthèse parce qu'il m'est arrivé un truc hyper marrant avec la poste ce matin. J'ai reçu un courrier qui me disait, bonjour monsieur Noël, nous avons un colis à votre attention, mais on n'a pas pu vous le donner parce qu'on n'a pas votre adresse. Ils te l'ont envoyé par courrier. Génial. J'ai trouvé ça quand même assez génial. Ouais, ils sont magnifiques. On les embrasse, tous les facteurs. Ils font délirer, quoi. Bon, ouais, bref. Ça, c'est fort. Tiens, sur le chat, qu'est-ce qui se dit? Il y a Moumoud qui nous dit Game of Thrones, c'est la vie. Enfin, la mort. Enfin, la vie, quoi. Voilà, chacun ses goûts. Bah écoute, merci beaucoup. N'hésite pas à réagir sur ce qui va suivre. Pour clôturer ça, juste avant de s'écouter les Chemical Brothers, je voulais juste qu'on parle d'un petit truc qui a un petit peu fait vibrer la corde sensible de gens comme moi qui l'attendaient. Mirror Edge a été repoussé de 3 mois, mesdames, messieurs. 3 mois, ouais. Alors là, pour le coup, sniff ou pas sniff? Bah sniff. Alors on fait un tour de table. Bah, clairement sniff, oui. Ouais. Depuis le temps qu'on l'attendait. Et oui. Forcément, ça daille un peu de savoir qu'on va devoir attendre. Après, concrètement, si c'est pour un, ce qui doit être le cas, hein, si c'est vraiment pour améliorer le jeu, pour pousser un truc encore plus loin, moi je dis oui, mais bon. C'est surtout qu'à mon avis, ils avaient les chocottes parce que ça va être une période où il y aura beaucoup de sorties aussi, ouais, hein, mine de rien. Mirror Edge, c'est un jeu qui a quand même une bonne communauté, mais en face, il y aura du Uncharted 4. Il y a des gros doses, quoi. Donc peut-être qu'ils se sont dit, ça en est où là? On est limite, bon, on repousse de 3 mois, c'est pas grave. Bon, toi, Goustique? Pas sniff, parce que on a attendu 8 ans, je peux attendre 3 mois de plus, quoi. Donc, ça, c'est bien. Lui, c'est un bon gars, toi. Voilà. C'est comme ça, nous, les copains. Ouais, il est repoussé pour le 24 mai. Toi, Kogu? Ben, j'aurais jamais cru le dire un jour, mais je pense comme Goustique, hein, je crois qu'il a raison. Je pense qu'on a, on a attendu suffisamment longtemps, et quitte à ce que ce soit vraiment une perle, ben, s'il faut attendre 3 mois de plus, ben, attendons. Je pense que de toute façon, ben, puis c'est pas plus mal financièrement parlant pour nous, puisque ça va nous permettre aussi d'échelonner l'achat des jeux. C'est ce que je me suis dit pour Hitman. J'étais, oh, il sort pas en décembre, yes. Non, donc je l'attends impatiemment, mais pas sniff pour le décalage. Je pense qu'on aura matière à se faire avant, et puis en février, il y a Naruto qui sort, donc ça me laissera du temps. Ouais, non, mais carrément. Bon, du coup, 24 mai, Mirror Edge, on en fera le test dans l'émission, bien sûr. Et puis, je voulais vous parler aussi vite fait de la mise à jour de Rocket League, tiens, la mise à jour gratos. Elle arrive. Ah, ouais. En fait, il y en a deux dans l'idée. Il y en a une qui arrive là d'ici quelques jours, et une qui sera, qui paraîtra en décembre. Donc, dans la première, ils vont rajouter plein de trucs, je sens qu'on va se marrer. Et en plus, tout ça, c'est gratos. Et j'ai vu un article sur je sais plus quel site spécialisé où ils prenaient en exemple Psyonix, je crois les développeurs. Psyonix, je crois, de Rocket League, il est prenant en exemple en disant voilà, c'est comme ça qu'on fait du jeu et qu'on accroche les gens, tu vois. Ah un oui, gameplay simple et puis des choses qui tombent un peu de temps en temps, tu vois, des DLC à 1€ où t'as plein de choses dedans, c'est très bien. Et là pour le coup, bah c'est gratos. Et donc mesdames messieurs, un truc, mais je suis impatient qu'on stream ça, des matchs de Rocket League avec une balle carrée, mon pote. Alors je t'explique pas le délire, quoi. Alors pour les auditeurs qui savaient pas trop ce que c'est, Rocket League, c'est un jeu de foot où on est en voiture téléguidée en fait. Donc voilà, c'est un beau bordel, c'est en multijoueur, c'est génial, on y a passé tout l'été, et ça, ça va être cool. Balle carrée, il y a plus de gravité. Plus de gravité, ouais. Genre, ah ouais bon, mais oui, ça va être énorme. Jouer, quoi, zéro gravité. Hein. Ça va être un truc de ouf. Et tu vas pouvoir paramétrer tes parties privées comme ça, en mettant tel ou tel handicap. D'accord. Ah, classe. Très très bon. Il y a Isker qui nous fait 3 mois de report pour préparer le patch Day One. Ah, peut-être pas tort en vrai. C'est pas faux. Ah, peut-être pas tort. Et puis, voilà, la mise à jour 2 décembre. Alors ça, c'est un peu plus surprenant. Mais, ah putain, non mais YouTube, ça devient un truc de dingue, quoi. Là, on a une pub pour un Disney, quoi. Voilà, bah, je coupe la bande son, puisque c'est ça, t'es puni. Mais c'est un truc de ouf, hein. D'ailleurs, tiens, on ferait une parenthèse là-dessus tout à l'heure. Il y a PewDiePie qui s'est exprimé au sujet du YouTube payant. YouTube Red. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, et ouais, il y a l'arrivée du hockey sur glace dans Rocket League. Eh ouais. Alors je sais pas si il y aura une physique de ouf, genre ça glisse et tout, mais ça peut être sympa, il faut ça. On va s'y attendre, je pense. Carrément. Et puis ouais, juste pour revenir sur YouTube, PewDiePie a dit que si YouTube passait payant, c'était à cause d'Adblock. Et que lui il perdait je sais plus, c'était 20 ou 40% de son argent à cause d'Adblock. Le pauvre. Oh le pauvre. Alors, non, j'ai lu le truc. Il a dit que honnêtement, lui à l'heure actuelle, de toute façon, ils s'en foutaient. Il a dit que c'était compliqué pour les gens qui commençaient. Parce que à la base, il disait justement qu'il y avait 20% de ses viewers qui utilisaient Adblock et maintenant c'est passé à 45%. Il dit moi actuellement, il dit c'est pas vraiment un problème pour moi. Il dit moi je m'en fous, mais il dit c'est surtout penser aux gens qui essaient de démarrer des chaînes. Si vous foutez du Adblock partout, ils pourront pas réussir à grandir et enfin c'était vraiment dans un bon esprit. Et lui après, il se plaint pas de pas avoir assez de thunes, si tu veux. Alors je retire. Voilà, je me retire. Allez, sur ces belles paroles, il est 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio et nous on revient juste après les Chemical Brothers. Montez le son chez vous, ça déboîte. Toi qui nous écoutes dans ta voiture, pareil, fais péter le son comme tous les mardis, tu baisses les deux vitres, tu mets les deux coudes comme ça, un de chaque côté, et tu fais péter les watts et nous on revient juste après là. Donc voilà, donc 3 minutes. T'as du 3 mal minutes ce 30. Soir, c'est abusé. Ah, je suis au bout du rouleau là ce soir. Je suis crevé en fait, c'est Darksider qui me pompe toute mon énergie. Allez, bisous. Bisous carrément. Allez, au revoir. Allez, salut. À mardi prochain. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour dans La Voix du Geek, toujours en direct. Il nous reste une bonne demi-heure d'émission et on va se faire le test de d'Assassin's Creed Libération. Allez, non, salut. Non, je déconne. Bisous. Ciao. On va se mettre la bande son puis on va vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors, justement, ouais, calme-toi. Alors justement, la bande son, si tu pouvais éviter de la mettre. Ah bon? Alors on va en parler, mais ouais, pas top. Hein. Alors pour toi, il y a de la bonne musique de bar. Hein. Ouais, bah dans les bars. Yeah, on est guère. Simone, ouais, une pinte, ouais, on est guère. Quel accent. C'est vachement bien le pub, hein, t'as vu? Trop. J'avoue. Ah, trop. Allez, Assassin's Creed Syndicate, c'est édité par Ubisoft, développé par Ubi Québec, qu'on embrasse, tabernac. C'est sorti sur PS4, Xbox One et PC, non? Ouais, PC, ouais. Ouais. PC? C'est bon celui-là, le jeu est sorti sur PC, ça va, il marche bien, navette. C'est un jeu d'action-aventure, c'est déconseillé aux moins de 18 ans, sorti le 23 octobre. Donc déjà, ça sera pas moi, mais qui nous fait un petit point sur l'histoire? Bah, ça va être Dandy, je crois que c'est celui qui a le plus gros dossier sur, sur mais le moi jeu. J'ai un gros dossier sur les points négatifs, mais, alors, mais justement, non, dont l'histoire, dont on ne comprend rien et dont on n'a pas grand-chose en fait. Bah, justement, alors pour l'histoire, c'est ce que j'ai mis. Vas-y. J'ai mis, bon, je vais le faire politiquement correct. Scénario pas très cool, enfin pas très intéressant. Non, mais on te demande l'histoire, voilà. pas ton avis sur l'histoire. Allez, non, mais chaque chose en son temps, Dandy. Fais l'histoire d'abord. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de scénario parce que moi je trouve que c'est juste un prétexte pour placer des personnages historiques dedans. Non, mais si, j'ai pas trouvé d'histoire. Il y a un scénario quand même. Oh, arrête. Même si j'ai pas trop compris en soi, mais il y a un scénario. Je veux bon, dire. Déjà, ça se passe en 1868. Bon, déjà, voilà. Ça en a bon. Ça, à Londres. Ça se passe à Londres. En en pleine révolution industrielle, d'accord. On incarne Evie et Jacob Fry qui sont des jumeaux et qui vont aider Henry Green, donc il sera un petit peu notre mentor, un assassin indien. Et du coup, on va essayer de casser le marché de Lord Starrick, c'est-à-dire qui est en pleine capitale londonienne. Voilà, parce que ce Lord Starrick en question, il fout un petit peu la merde. Il a son petit gang, il a ses petites affaires, mais sauf que c'est pas dans la bonne sauce. Et du coup, Evie, Jacob et Henry vont essayer de niquer tout son business pour qu'il y ait un Londres beaucoup plus frais. En soi. Voilà, en soi. De ce que j'ai pu comprendre. Yes, alors on en avait parlé un petit peu hein, pendant l'IDEF, voilà, on avait pu l'essayer en avant-première le jeu, et donc maintenant on en sait beaucoup plus. Les nouveautés un petit peu de gameplay, déjà c'est le grappin. Quelqu'un veut nous en parler de ça, du grappin? Hashtag Batman. Alors moi au départ je trouvais que c'était une super mauvaise idée. Je trouvais que ce grappin il était ultra cheaté, puisqu'on arrive en haut des toits en une fraction de seconde. C'est quand même un peu le cas. C'est cheaté, quand même un peu le cas, mais après plusieurs heures de jeu, qu'est-ce qui t'oblige réellement à l'utiliser en définitive? Parce que moi j'ai beaucoup entendu des gens se dire ouais mais ce grappin c'est nul, on monte trop vite, on descend trop vite, on va trop loin trop vite. Mais j'avais juste envie de leur dire mais alors pourquoi tu l'utilises? Parce que tu n'es pas obligé de l'utiliser. Donc en définitive, c'est une nouveauté qu'ils apportent. Alors ça apporte, en termes de gameplay, là où c'est intéressant, c'est quand tu as toute une foule d'assaillants qui te sautent dessus. Bah tu peux vraiment dégager en 2-2 pour le coup si t'es près d'un mur. Et je trouve ça pour Batman, le coup plutôt pas mal. En effet, autant s'inspirer de quelque chose qui fonctionne bien. Après, il se trouve que le grappin sur Batman est vachement mieux géré que ce grappin sur ce Syndicate, qui a tendance un peu. Alors il faut bien regarder l'endroit où tu veux t'accrocher. Ouais, il s'accroche un peu. Parce que si jamais tu l'envoies un petit peu comme ça, la va vite, t'as de fortes chances qu'il s'accroche à une paroi, mais pas forcément. À là-bas. Un moment, moi je l'ai fait, il s'accrochait à une mouette, le mec. Ouh, il est parti. Ouais, moi je trouve qu'il fait un petit peu sa life le grappin, parce que quand à un moment donné j'étais en pleine mission et puis je me fais choper par les blighters, donc j'essaie de m'enfuir, mais sauf qu'en fait le grappin, enfin il est tellement intelligent que il me fait le grappin me met en arrière, c'est-à-dire genre je vais pas aller vers l'avant, il me le met en arrière, donc je me prends une troupe de blighters dans la gueule avec des espèces de montagnards et compagnie qui sont ultra cheatés. Moi je trouve que le grappin il fait un petit peu sa vie, et puis c'est comme les phases d'escalade, c'est-à-dire ça c'est du grand n'importe quoi. Après en soi je trouve que c'est une bonne idée, parce que je trouve non mais il faut que j'arrête de dire en soi, parce que là, c'est non surtout pas continue. Alors il y a Moumoud qui fait hashtag en soi et qui demande si t'aimes la pizza aux en soi. En plus j'aime pas ça, la pizza aux en soi, mais il est bien. Mais moi je trouve que si on l'utilise trop, ça casse le côté. Enfin, ce qui est bien dans Assassin's Creed, c'est que tu escalades des monuments historiques, quoi. Tu vois, par tes propres moyens. Et là, le fait qu'il y a le grappin, je trouve que c'est un peu de la. Oh, c'est nul. T'arrives en haut du monument historique plus vite. Je trouve que il y a plus d'enjeu, quoi. Là, tu perds un petit peu le sel du parcours, en fait. Ouais, t'es plus dans la simulation, pas. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai inclus vraiment, du coup, dans le parcours, puisque vu que tu montes très très vite, tu peux te déplacer assez vite, tu cours, moi, je trouve que ça rajoute un petit côté punchy au truc, où hop, tu te bats avec les autres, t'es 1 contre 12, et hop, tout d'un coup, t'as laissé 12 personnes en haut, et t'es déjà au 8ème étage. Je sais pas comment t'as fait à réussir à te barrer avec 12 personnes. Pardon, excuse-moi. Ah, mais tu voulais une réponse. Non, je te la donne. Après le grappin il avait été justifié par l'apparition des bagnoles et des calèches entre autres, et voilà, du coup ça élargit vachement les rues, et donc fallait bien que vu que c'est des pâtés de maison, il y a un moment tu te retrouves face au vide, il va pas faire un bond de 10 mètres de long quoi. Limite ça aurait été plus judicieux, vu qu'on joue avec deux personnages. Au tout départ le grappin il n'y a que Evie qui l'a, ça aurait été très bien qu'il n'y ait que Evie qui puisse l'utiliser, puisque du coup ça faisait partie du gameplay spécifique à un personnage, et peut-être ça aurait moins choqué les gens. Il se trouve qu'après, sans trop spoiler dans l'histoire, les deux personnages arrivent à avoir le grappin, ce qui fait que du coup il n'y a pas de j'ai perdu mon mot. Voilà, on l'embrasse s'il nous écoute. S'il nous écoute. Non mais en soi. On va continuer à faire vite fait le tour. Aussi ce qu'il y a dans cet assassin, il y a l'apparition des gangs, des guerres de gangs. Ouais. On peut recruter du monde. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Moi je trouve ça plutôt sympa. Sauf que j'ai tellement trouvé sympa que moi je l'ai pas développé des masses. parce que en définitive on peut le faire vraiment vraiment sans. Alors sachez que pour les guerres des gangs, quand on fait les missions de gang, puisque en fait les missions de gang, c'est une fois qu'on a nettoyé tout un territoire en fait. Donc sur la map, tout est représenté en rouge, tout est colonisé, et on va dire mission secondaire, pardon, par mission secondaire, on va nettoyer tout ça, on va enlever de la populace des blighters pour pouvoir nous circuler tranquillement. Et ce qui fait qu'à la fin de chaque zone qui est clinée, il y a la guerre de gang avec le chef de gang en question. Et lors d'une mission avant, en fait, à chaque fois, avant cette guerre des gangs, il y a le chef de gang adverse qui t'envoie une flopée de gars sur toi et qui lui s'échappe. Et j'ai compris pas plus tard que à midi, en fait, que t'avais possibilité de courir après ce chef de gang dès qu'il t'envoie ses gars dessus, de le choper et de le tuer. Ce qui fait que quand tu le tues, que t'arrives à la dernière mission et que t'as cleané toute la zone, eh bien, tu n'as que les petites mains à taper, le gros boss n'y est pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ces gros boss, ils sont un peu sans pitié à la fin de chaque truc. Et ils piquent, ils sont gameplay de combat qui a été un peu revu, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Maintenant, je le maîtrise bien, mais au bout de 30 heures de jeu. Ouais, pareil, moi ça m'a vraiment choqué au début. Alors, ce qu'on peut pas reprocher, c'est qu'ils ont vachement accéléré les coups. On se rapproche plus d'un Batman pour le coup, c'est plus comme avant où elle prend son épée et là au moins c'est speed, elle saute dans tous les sens, ça c'est bien. Ah, ça fait du bien, ouais. Mais c'est un système de QTE qui est pas complexe, mais c'est un coup à prendre quand même. En fait, dès qu'un ennemi nous attaque, au-dessus de sa tête, ah attends, c'était comment? Alors, si ça se met en jaune, il faut contrer avec rond. Avec, voilà, quand ça se met avec jaune, c'est contrer avec rond. Pour faire une esquive, une esquive et une contre-attaque. Voilà, il faut taper avec carré, et si c'est, attends, si c'est gris, il faut faire X, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, pour briser la garde, c'est la croix. Et vous avez triangle s'il y a quelqu'un qui vous met en joue et qui vous tire dessus, et vous avez une toute petite seconde pour appuyer dessus pour pas vous prendre la balle. Donc quand il y a 12 personnes avec 6 qui vous tirent dessus, 4 qui vous tapent et 2, ça fait bien 12, oui c'est bon, et 2 qui se mettent en garde, il faut appuyer sur les 4 boutons quasiment en même temps. Et c'est super chaud, et moi ça m'a vraiment gonflé ça. Dès le départ j'en ai eu marre en fait. Donc après on a des armes, on va en parler un peu plus tard, mais moi dès le départ ça m'a vraiment saoulé ça. Je sais pas, le gameplay je trouve qu'on régresse vraiment quoi. Même la façon dont il escalade. Alors déjà si on peut plus tomber. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça c'est très bien. Ouais. Avant tu sais t'escaladais, tu te retrouvais sur une corniche, tu faisais une fausse manip puis sautais dans le vide dans son dos quoi. Là on peut plus le faire. Déjà c'est une bonne chose. Mais ouais non moi je franchement dès le départ toi tu disais qu'il fallait cleaner les zones et tout, moi dès le départ j'en ai eu marre en fait. J'ai lancé le jeu comme je disais hors antenne à mes petits poulets dès le départ bah en fait j'ai eu la flemme. Parce ah mais que déjà, je t'ai vu quand t'as acheté le jeu déjà, t'as donné ta carte et t'as fait. Non mais dès le départ j'ai eu la flemme parce que on l'a fait l'an dernier avec Unity. C'est trop près. C'est trop près. Mais bref, pour continuer un petit peu sur les nouveautés, il y a des calèches. On peut conduire. Quelqu'un veut nous en parler un petit peu des calèches? Ah, alors attends, parce que je le vois pas, il est caché derrière le numéro de la radio. Alors les calèches, c'est franchement très buggé. Bon, t'en as que c'est des lowriders, c'est-à-dire que ça saute comme des lowriders. Exactement. Alors ouais, carrément. On a expériencé ça tout à l'heure. Des calèches lowriders, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il met un petit coup de rein pour faire bouger le cheval, t'as la calèche qui s'envole, tu sais, elle saute, puis elle part, mais vraiment comme sur des suspensions, quoi. Donc hallucinant, ça nous est arrivé plusieurs fois. Hein. Ouais. Ouais, par contre, je voulais revenir aussi au niveau de, bon, aucun rapport, mais au niveau du gameplay des bastons. Moi, j'ai vraiment bien accroché. Bon, c'est à prendre au début. Ah ouais. Mais j'ai vraiment bien accroché parce que justement, c'est, j'aime la difficulté qu'il y a. Bon, même si les flics sont un peu trop cheatés, j'ai ragé plusieurs fois. Tu parles dans la vie ou dans le jeu? Comme dans la vraie vie. Hein. Non, c'est pour savoir. Dans le jeu. Je peux parler de tes collègues, hein, y a pas de souci. Hein. Non, on donne pas de coups, donc, on est sage. Des savonnettes. Non, mais dans le jeu, c'est ça. Les flics sont trop cheatés. C'est impressionnant. La touche contrée marche une fois sur deux, donc. Quand on a plusieurs qui t'entourent, déjà, c'est... Moi, c'est pour ça, d'emblée, je les ai corrompus. J'ai développé En fait, t'as une compétence qui te permet de soudoyer, justement, ces policiers cheatés. Moi, j'ai développé ça d'emblée. Comme ça, en fait, moi, ils m'embêtaient pas. Moi, ils m'aidaient même dans pas mal de missions. Eh ben, ça tombe bien que t'en parles, parce que justement, ces compétences... Et là, c'est la grosse nouveauté aussi de cet épisode. On a des points de compétences. Donc, on gagne de l'XP en faisant des actions. Avant, on gagnait de l'argent et puis c'est tout, je crois. On gagnait juste de l'argent au final. Mais c'est pas plus mal, hein. Parce que dans Unity, tu devais galérer hein, pour choper les compétences. Enfin, ça coûtait un certain prix et c'était assez cher. Même au tout début, quand tu commençais avec Arnaud, la moindre compétence, par exemple le double assassinat, je sais pas combien ça coûtait. Alors du coup, tu devais évoluer dans l'histoire et tout. Et puis, tu arrives à la fin, tu es ultra cheaté, alors que tu as d'autres compétences que tu dois débloquer et qui aura pu te servir bien avant en fait. Et là, en soi, je trouve que c'est accessible. Ça coûte pas... Oh mais c'est pas possible sérieux. Attends, si, oui, si. Faites des croix chez vous. Attends mais à chaque fois que tu vas le dire, je vais te hooter quoi. Ok, bon je vais fermer ma gueule alors du coup. Mais non moi j'ai bien aimé ce nouveau mode de compétence et on arrive un peu plus rapidement à stuffer son personnage, que ça soit Evie ou Jacob. Et moi dans l'ensemble j'ai pas trop d'avis négatif sur les compétences de, je pense que c'est un plus pour le coup. Ouais, moi je l'ai trouvé assez facile. Pendant tout le jeu j'ai fait des combats et des trucs, des actions qui étaient de niveau facile au dessus. Et je sais pas, puis y a l'IA quoi. Il y a plein de moments où il y a un mec que tu dois assassiner en plein milieu d'une foule. T'arrives, tu cours, tu le piques, tu t'en vas, ils ont rien vu quoi. Et là il commence à se retourner en disant Jean-Jean, je crois qu'il s'est passé quelque chose. J'ai fait une mission qui était très sympa. Il y a un gars qui parle, qui est entouré à peu près, on va dire, allez, une bonne dizaine de gardes. Il leur explique ce qu'il veut mettre en place et tout. Moi, un par un, je les ai tous butés en tournant. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils faisaient le tour, en leur parlant, il y avait de moins en moins de gars autour. Ça l'a pas affolé. Au début, ils étaient 10. À la fin, il y avait plus qu'une seule personne qui était debout, qui l'écoutait. Il a continué. Puis après, il était tout seul, mais il continuait de parler encore. Ah, Ubisoft. Bon, après, pour reparler des compétences, moi, je trouve ça, oui, c'était très bien d'avoir mis des arbres de compétences. C'est très bien d'arriver à la moitié du jeu et d'avoir, et d'être déjà, du coup, niveau 10, en ayant fait, comme moi, toutes les missions secondaires avant d'avancer dans l'histoire. Le seul truc, c'est qu'on joue deux personnages. Ben, les deux personnages ont exactement le même arbre de compétences. Oui, c'est vrai. Alors, quitte à avoir le même arbre de compétences, tu te dis, bon, mais tu n'en développes qu'un qui va être attribué à chacun des personnages. Eh bien, non. C'est-à-dire que si tu le développes pour Jacob, tu lui mets, donc, je sais plus combien il y en a au total, mais on va dire, allez, une trentaine, tu lui mets ses 30 compétences, mais tu vas prendre le personnage d'Ivy. Eh ben, elle aura aucune compétence. Il faut lui réattribuer une par une. C'est assez lourd, quoi. On pensait la même chose. On pensait que c'était commun à la base. Et ouais, bah non. Et non, bah moi je m'en suis aperçu quand j'ai pris le personnage féminin que je comprenais pas pourquoi je me faisais tataner alors qu'avec le bonhomme ça passait très très bien. Mais je me suis aperçu elle avait que les compétences de début du jeu. Et puis tu te rends compte que t'as 28 points de compétences à dépenser. Quoi. Ben, exactement. Okay. Après j'avais 27 points de compétences à lui donner. Ah bah tu vois. Donc yes. Voilà. Ouais. Et je sais pas. Alors tu parlais de l'IA. Moi je vais en parler aussi. Quelque chose qui m'a assez déçu comparé justement à Unity qui était le volet précédent où on avait une IA qui était quand même. Alors là on parle de l'intelligence artificielle. Bon, moi j'ai plutôt parlé des PNJ. Autant pour moi, je me suis trompé de terme. Où on avait une diversité de PNJ dingue dans Unity. Et alors là, les PNJ. Il doit y avoir 4-5 modèles à tout péter et ils les ont reproduits partout. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes gueules. Les gros malabars chauves à chemise blanche de bûcheron, comme le disait Goustique, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes mecs. Les flics, c'est toujours les mêmes. Et puis, t'arrives même à confondre des gars de l'histoire, du scénario, des personnes importantes avec des pauvres mecs dans la rue où tu te dis, bah en fait, c'est le gars que je connais. Et ben en fait, non, c'est un mec qui vient t'attaquer. Enfin bref, ça manque un peu de repères, tout ça, de logique. Je trouve qu'on est un peu trop perdu justement dans ce brouhaha de copies conformes de chaque PNJ. Et après. Il y a eu quand même le petit lot de bugs. Alors je pense que tout le monde en a eu, Goustique en a eu. Ouais, nous on en a noté quelques-uns. On a eu des mecs, bon bah ça comme dans souvent quand pas mal Assassin's Creed, des mecs enfoncés dans le sol. Donc ça j'adore moi. Alors ils sont enfoncés jusqu'au buste et puis ils sont entre le sentiment de je tombe dans le vide et je fais de la natation. Donc t'as le mec qui secoue des bras comme s'il faisait du crawl, tu vois, enfoncé dans le sol. On a eu des mecs aussi sur des calèches, debout, droit comme des frites, tu vois, qui bougent pas. Droit comme des frites. Je la note, celle-là. Droit comme des frites. Quand tu sautes au plongeoir, tu dis je vais faire la frite là. Pareil. D'accord. On a eu il y a des personnes invisibles dans les cinématiques. Il y en a plein. T'as des problèmes d'objets aussi. On a eu tu parlais tout à l'heure de quand tu récupères le grappin. À un moment donné, le perso qui donne le grappin à Evie, on a vu un bug où Evie était mal placée, t'avais le grappin qui volait tout seul et le mec qui lui dit mais tiens mais prends ça, puis en fait t'as le grappin qui lui part dans le cul, enfin voilà, tu vois c'est non mais c'est con, mais enfin voilà, après en soi ça affecte pas le gameplay, c'est rigolo, mais tu te dis bon t'as quand même du bug. Les calèches aussi qui se mettent à avoir Parkinson, qui se bloquent dans un virage et puis qui tremblent. Alors ouais, tu comprends alors, pas, tu ce vois. Ce qui est génial, ce sont les chevaux. Quand ils se rentrent dedans les uns dans les autres, ils font des étincelles. Ouais, bah attends. Sérieux? Ah oui, oui, je... Alors c'est peut-être, ils ont peut-être oublié d'enlever le fichier collision de The Crew en fait dans dans le jeu. Ah, on t'entend plus micro. Ouais. Tiens, tripote un petit peu le cul du micro. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est vas-y. C'est bon, c'est bon. Donc j'en étais où? Je tripotais le micro. Si tu disais les étincelles. Les étincelles, oui, donc ça c'était pour le cheval, mais après on est passé à autre chose. Vous m'avez coupé, j'avais le truc, mais qui était le plus drôle de ce que j'avais à dire ce soir, et vous m'avez oh merde. Fait mais on parlait juste de la collision de calèche, quoi, donc après t'allais développer. Et, voilà. Non, mais c'est tout, voilà. Les, si, voilà, j'avais un défaut de parallélisme sur le sabot gauche. c'est assez compliqué. Et c'est vrai, non, mais essayez dans le jeu, essayez de faire conduire votre calèche sans, juste en appuyant sur R2 pour la faire avancer. Je sais pas si c'est moins, mais en tout cas ça sert à gauche. Ok, moi après voilà. je sais qu'il y a eu plein de problèmes de collision, justement il y a des plein de courses poursuites où t'as 5 calèches qui arrivent en même temps dans une rue où t'as la place pour une, quoi. Et c'est n'importe quoi, elles se rentrent dedans, ça ouais. fait des glitches de partout, elles gigotent dans tous les sens, hyper speed, c'est n'importe quoi. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai eu qu'un seul bug vraiment graphique. Alors je sais pas si c'est moi qui ne les vois pas ou si c'est moi t'as qui eu de la chance. Hein, enfin, je pense que c'est ça. Le seul bug que moi j'ai eu, c'est qu'en définitive c'était sur un personnage, donc il fallait taper, j'avais sa barre de vie mais qui était derrière moi, c'est-à-dire elle était pas au-dessus de sa tête. Ah ok. Ce qui fait que quand je la tapais, je pouvais pas voir ce que je lui enlevais. Ça m'a juste empêché là. C'est-à-dire c'est comme si toi t'es là, je voulais te taper mais la barre de vie elle était à côté de Brice en régie. Ouais, okay. C'est un peu dur. Alors juste une parenthèse, tiens, il y a Iskerb qui nous fait je suis certaine que Syndicate devait sortir avant Unity techniquement parlant, mais ils ont pas pu à cause de la chronologie. Ben oui, en même temps, c'est normal. Ouais. Enfin, ça se passe pas à la même époque. Alors, on va en parler, ouais, des graphismes. Juste, moi, quand vous parlez des bugs, ça me rappelle le bug, on en avait parlé dans l'émission qu'il y avait eu dans Unity, où genre, à un moment, on s'adresse à Napoléon, et genre, il y a un PNJ qui est rentré dans la cinématique, qui était là, et au moment où Napoléon s'apprête à dire quelque chose qui est hyper important pour l'avancée du jeu, le PNJ, il a dit, non! Et ça a coupé. En fait, ils se sont retrouvés dehors. Voilà. Je vous rappelle que sur The Witcher 3, moi, j'avais Ablette qui me faisait du photobombing sur les cinématiques. Mais j'ai l'impression que c'est vachement lié au jeu en monde ouvert, tous ces bugs où les PNJ se déplacent librement. Moi, j'ai eu des PNJ qui grimpaient sur des caisses, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Mmh. Ils savent pas si. Enfin voilà, tu sens que. Le modèle 3D, enfin le je sais pas, le personnage, il sait pas où il habite, quoi. Il est là, on lui a dit bah c'est tout droit, sauf qu'il y a un obstacle et puis bah il sait pas quoi en faire, quoi. Il y a plein de faut les comprendre, les PNJ, ça fait des années qu'ils subissent l'esclavagisme direct des personnages principaux. À un moment donné, ils veulent prendre un petit peu de voilà, ils veulent s'émanciper. C'est à ça. Un moment donné, j'ai vu une faudrait vidéo peut-être comme ça. Je sais pas, penser à il y a des mouvements de libération des PNJ, il faudrait y réfléchir. Mais on avait le coup de fil du PNJ, mais là il peut pas en ce moment, mais un peu vers 20h, il y avait un pote qui nous appelait qui faisait des imitations, qui faisait genre c'était des PNJ qui nous appelaient en direct pour dire oh ouais, mais Call of Duty maintenant qui sait qui fait le ménage parce que vous avez tout cassé et tout. Enfin, voilà, c'était un peu le délire. Mais je crois que c'est lié au monde ouvert, quoi. Alors, il y a aussi un truc dont on a discuté hors antenne, on était tous d'accord avec ça. Est-ce que quand vous avez joué avec Evie, vous n'avez pas été choqué de sa voix? Je vois pas ce que tu veux dire. Voilà. T'as l'impression d'être un Roland Garros, quoi. Non, mais c'est surtout que, concrètement, nous, on s'est dit, c'est pas possible. Soit ils ont oublié de switcher le sound design de la nana, ils ont laissé que la voix de Jacob quand il escalade des murs. Soit c'est un travelo. Voilà. On le sait peut-être pas. Alors, est-ce que dans l'histoire c'est expliqué? Pour préciser, hein, c'est juste que voilà, donc on suit un gars et une fille, et la fille a la voix d'un gars, une voix de garçon, quoi, quand elle escalade, clairement. En fait. Ouais. Clairement. C'est la même voix. L'escalade. Bon. Bah, pas que quand elle escalade, il y a des moments où elle se prend un truc. J'ai l'impression de pas avoir fait le même jeu que vous. Ah ouais, bah pourtant. Alors va chez Général d'Optique, parce que franchement. Grâce à Général d'Optique, on entend mieux. C'est ça. Ouais, exactement. Après, nous on a été déçus pour deux choses. Déjà, de un, il n'y a pas de nains, et je trouve que aujourd'hui c'est un peu de la ségrégation de toujours pas mettre de nains dans les jeux. Oui, comment ça se fait? Enfin, il y a des enfants. Alors justement, c'est ça le deuxième problème. C'est les... Attention, il est fâché tout rouge. C'est ces enfants là. Il a mal à son stick là. Les enfants. Ces orphelins. Oui. Les orphelins. Bah on s'en fout les enfants là. On les vend en esclavagistes. Ok, c'est déjà très dégradant. Alors pourquoi on peut pas les tuer? Parce que c'est des enfants. Nous on était hyper frustrés. On a essayé de les tuer au début. Alors je dis, Valézio a essayé de lui tirer une cartouche parce qu'on a essayé de le taper, tu peux pas. On lui a mis une cartouche, le mec s'est allé par terre sous une charrette, on s'est dit yes, nickel. Le mec, c'est bon, il est par terre. Et en fait, il se relève. Tranquille. Ah ouais, je pense qu'il y a une certaine éthique, enfin tu vois ouais, ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Que... Après, on a essayé la calèche, on a tout essayé, hein, mais. J'imagine trop, ils ont passé la journée juste à essayer de buter un gosse. Mais je te jure. Non, mais par contre, on en parlait hors antenne, et c'est vrai qu'il y a des gangs de filles. Et c'est étrange qu'il n'y ait pas des lobbies de ouais. défense des féministes. C'est ce que féministes. Je trouvais, parce qu'elles s'en prennent quand même plein la tronche pendant tout le jeu. C'est abusé, hein. Ouais, il y a des grosses séquences. Ah, attendez, non, on leur enfonce que c'est même les pouces dans les yeux et tout, on leur tire les poils. Enfin, c'est. Mais justement, nous, on a trouvé aussi que les persos nana étaient. Alors, étaient très masculins. Non, mais étaient simples en fait à battre. Ils paraissaient plus simples que les mecs. Alors on s'est dit, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une impression? Je sais pas, est-ce que vous avez eu cette impression aussi qu'ils étaient peut-être plus... Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont pris des grosses patates de forain et pas ça fait presque de la peine. Mais quand Madame Coq rentre à la maison et qu'elle prépare pas le repas à temps, du coup, paf, réflexe, tu vois, avoir fait plus de 20 heures dessus. Bah, les snipers nanas, ils étaient assez chauds à battre hein, quand même. Hein, donc, ah, tu parles sur les toits avec les... Ouais. Ouais. Mais après, en soi... Ah oui, et puis aussi, messieurs d'Ubisoft... Puisque vous nous écoutez, oui. Ah bah oui. On le sait. Et on oui. le tous les mardis. Oui. Dans le prochain, quand avec votre curseur vous sélectionnez un endroit sur la map et que vous faites un voyage rapide, laissez le marqueur sur l'endroit. Ah c'est oui. hyper ah, désagréable c'est de sélectionner un endroit sur une map qui est ma foi assez grande ouais. en soi. Ouais, ça va. Et tu voyages et t'as plus le marqueur. Mais c'est ça. Ouais. Tu fais un voyage rapide, tu reviens, tu cherches ton truc, là ta mission. Ben non, t'es obligé de repartir mais sur la ça carte. Ça m'a fait chercher. Ça sur Witcher moi. Mais c'est casse-pied. C'est les mondes ouverts, hein, faut pas chercher. C'est con. Non, ouais. Ouais, non, mais ça doit pas être très dur à mettre en place. Oh, je pense même, pas. Un truc comme ça, quoi. Bon, on fait un petit tour de table rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes. Des plus, des moins, vite fait. Moi, sincèrement, ce qui me fait vraiment halluciner dans cet épisode, c'est qu'il arrive à être moins beau que l'épisode d'avant. Ouais. Donc, ils ont régressé graphiquement. J'ai pas vu la différence quand la bêta quoi, quand l'a testé à l'IDEF, j'ai pas vu la bah différence ouais, ouais. entre la version finale et la bêta. Bon, après bon, je sais pas si en même temps découvrir temps, la mais... France et découvrir Paris comme c'était la Révolution, c'est quand même vachement beau. Ouais. Je trouve pas que à Londres l'ère de la Révolution industrielle soit vraiment le moment clé de l'histoire où Londres est vraiment le plus beau. Mais c'est moche, c'est gris de tout non, le long c'est du jeu. C'est gris, au moins quoi. Le brouillard est justifié cette fois-ci alors, dans ouais. cet opus, ouais. Parce que ça ils en foutent à foison. Ils se sont dit bon alors déjà avant pour la profondeur de champ on va mettre un petit peu de brouillard là-bas. Et donc là ça, ils sont fait attendez les gars, on est à Londres, c'est bon, allons-y quoi. Du fog quoi. C'est ça. Ouais. Bon allez très rapidement, Clément toi. De quoi positif, négatif. Ouais voilà, vite fait. Négatif le jeu, positif je l'ai pas acheté. La boîte qui voilà. est assez pratique pour caler les meubles. Non après voilà j'ai essayé de gratter les fonds de casserole comme on disait, positif. Voilà t'as les combats plus fluides. Franchement, ça c'est vraiment pour gratter au fond. J'ai dit que les reflets de l'eau étaient jolis, mais tu vois, j'avais ouais, pas, aussi, j'avais rien à dire quoi. Les reflets de l'eau, je suis d'accord avec toi, ils sont super bien sur les pavés. Hein. Mais si tu regardes le reflet ne correspond pas à l'image qui est censée. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Je me suis fait la remarque. Aussi. Et c'est jouable d'un pouce aussi le jeu. D'accord. Non, vraiment, bah oui, en combat, tu prends le côté où t'as tes 4 boutons et puis c'est fini. Je l'ai vu, hein. J'y ai pas joué, mais je l'ai vu. C'est possible. Alors j'aime bien parce que Clément il a fait jouer son frère en fait. Ah, il ouais. avait la flemme, fait ça je vais pas aimer, joue à ma je voulais pas en fait Cops, hein. Je voulais pas salir ma play en installant ce jeu en me disant que je vais avoir des trophées à faire que je vais pas avoir envie de faire. Donc du coup, allez, je vais laisser puis c'est lui qui se débrouille avec. Ah là là. Bah, tu veux Valézio nous donner vite fait les plus les moins que c'est un peu pareil. Moi les plus ça reste au niveau de la baston parce que la castagne. La castagne, ah, faut pas. Oh la baston. Ouais, et puis comme disait Clément aussi, enfin Dandy, il y a des. Là, on aurait cru que t'avais dit crocodile. J'ai cru crocodile Dandy. Quoi. J'ai cru qu'il a dit Kenji, moi, putain. Dandy. Oh, il y a Lopez, voilà, il y a des vrais hommes, donc avec du bide et puis de la barbe, des poils, donc. Et des poils sur le torse, mon voilà, Dieu. Voilà, exactement. Voilà. Yes, allez Goustic et Rapidos. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait pas de caravane. Il y avait des calèches. Non, bah après l'histoire, j'ai rien compris. Comme tous les Assassin's Creed, moi ce que je veux, c'est la castagne. T'imagines en vrai? Non, non, mais après ce que j'ai pas aimé, c'est l'histoire. Bah, bon, si on a pas. Ensuite, le gameplay, j'ai pas aimé du tout. Les combats, le grappin. Le graphiquement, c'est moche. Non, t'as pas aimé le jeu en fait. J'ai pas aimé le jeu. Le seul truc que j'ai bien aimé, ben c'est l'ambiance, juste l'ambiance. On est vraiment un petit peu dans la révolution industrielle. Ça m'a rappelé un petit peu les Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. Carrément, carrément. Mais en soi, alors franchement, Eki avait dit que Transformers c'était de la grosse merde. Là, je suis désolé, mais là, c'est l'assassin de trop. C'est la vaseline de trop pour Ubisoft. Franchement, non mais s'il m'écoute, mais je pense qu'il m'écoute pas, il doit se toucher les couilles sur le prochain Assassin's Creed. arrêtez, sérieux. Faites une pause. Mais il sort en décembre le prochain. Non mais je crois que Vivendi va mettre une pause. Juste pour troller. Faites un break sur cette licence et passez à autre chose, vraiment. Arrêtez. Yes. Voilà. Et toi Kogu? Bon, ça va être très rapide. Moi personnellement, je trouve pas que ce soit un mauvais jeu. Par contre, c'est un mauvais Assassin's Creed. Yes. Voilà. Ok. Et puis, moi, un petit peu comme tous mes camarades, c'est juste que je pense qu'il est sorti trop tôt. J'avais clairement pas envie de jouer à ça à ce moment-là. Voyez-le à l'inverse, du coup. Dites-vous qu'ils n'ont eu que 11 mois pour le faire. Et moi, je trouve que 11 mois pour faire un jeu comme ça, même si le moteur graphique c'est le même, même si tout est un petit, c'est déjà bien. Si t'as 11 mois, tu le fais pas. Ouais. Moi, je pense qu'il serait pas sorti, ça serait Mais je pense que c'est le modèle économique aussi. Déjà, non, qui veut ça, et c'est également l'acheteur. Parce que s'ils étaient pas autant plébiscités pour en sortir un aussi rapidement, mais peut-être qu'ils le feraient pas. Donc, C'est comme l'histoire du Far Cry, hein. Je pense que c'est un peu le même délire où ils ont repoussé l'échéance. En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils lèvent le pied un petit peu, sur les assassins pour l'instant. Je pense qu'ils l'ont sorti un an, voire deux ans trop tôt. Voilà, parce que clairement c'est pas fini quoi. Il y a plein de moments où tu te dis what, mais attends, il y a pas de texture, il y a rien, enfin également un Assassin's Creed qui reparle un peu de la pomme d'Eden parce oui, que ça c'est vrai, s'était, oui, ça s'était complètement perdu à partir du Black Flag, on était passé à côté. Là en moins celui-ci, il remet un peu les fragments d'Eden à l'honneur, donc ne serait-ce que pour ça. Carrément. Bon, après il vaut pas les 70. Mais c'est vrai, attendez peut-être un peu qu'il baisse. Bon, en tout cas voilà, on a un peu fait le tour, on a un peu pris par le temps là, on est carrément à la bourre même. Merci Léo d'être venu nous voir. Pas de merci problème. Léo. Léo de la zone du dehors, donc c'est au 68 cours Victor Hugo à Bordeaux, librairie alternative. Je vous invite à aller vous promener là-bas, y faire un tour. Il s'y passe plein de choses. La semaine prochaine, on fait le test de Need for Speed, mesdames messieurs. Ça va faire du bien, putain, un jeu de bagnole, un jeu où on tatane pas. Je suis assez impatient. Ouais. Bref, et puis jeudi, tiens, on le stream toute la journée à partir de 9h sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense qu'on va se marrer. Voilà, parce que vous m'avez pas vu au volant d'une bagnole, moi. Hein. Ça va être un truc de ouf. Bon, merci les poulets. Si, on t'a vu chez Geek Inc. Ah oui, c'est vrai, pour la Formule 1. Ah oui, pour la Formule 1. Ouais, mais de toute façon, moi, faut que j'aille au lit, là. Bref. Allez, à la semaine prochaine. Gros bisous et puis bonne soirée. Au revoir l'Infernal. Merci pour tout. Bisous à vous. Ciao, bye bye. Bisous les écouteurs. Vous écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM.